couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Il est minuit sur Fadjet. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, bon. Et pour cet anniversaire, on va vous proposer une édition spéciale de couleur locale qui ne dure pas du coup une demi-heure, comme le dit le générique, il y a déjà un mensonge. Mais c'est pas le seul. Et c'est pas le seul, c'est pas le seul mensonge, effectivement. On va éviter de faire des dramas, s'il te plaît. Rodolphe, on va mettre la caméra sur toi. Nous sommes avec Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Oui, alors je m'incruste totalement à cette émission que je vais quitter quand j'aurai envie. D'accord. Je ne suis pas du tout prévu là, mais merci de m'avoir accueilli, Pierre et Isa. Mais tu es dans Couleur Locale, toi, Isa ? Eh ben écoute, juste pour les 40 ans. Tu es dans Couleur Locale juste pour les 40 ans parce que j'avais besoin. Sauf si Pierre veut de moi. Mais tu pourras. Tu te places. Tu pourras totalement venir. Je suis en train de faire déjà n'importe quoi. C'est une vidéo qui balance des trucs comme ça. Si vous connaissez Couleur Locale qui est diffusée les samedis à 13h, les dimanches à midi, vous savez que c'est un peu du nawak. Je suis avec Rodolphe et Isabelle, mes compagnies roses en passant par la Lorraine. On aura d'ailleurs demain à 17h une émission spéciale en passant par la Lorraine. On sera dans les années 1985. Mais ne tergiversons pas plus longtemps. Qu'allons-nous vous proposer pendant 2 heures, chers auditeurs ? Eh bien, ce sont 40 groupes qui sont passés ou vont passer dans l'émission. Alors pourquoi vont passer ? Parce qu'il y a beaucoup de demandes, la scène locale est très importante. Tu peux d'ailleurs, Isa, totalement accéder à ça puisque tu es musicienne et c'est aussi pour tout ça que je t'ai demandé de venir. Eh oui, exactement. Alors, c'est vrai qu'on est très nombreux sur la scène locale. Et d'ailleurs, tu auras... C'est bien, c'est chargé. C'est très chargé. Tu auras une petite surprise, Isa, puisque il y a un morceau de If qui va passer cool. À un moment dans l'émission. Mais si vous voulez, j'étais obligé, chers auditeurs, puisque sinon, elle quittait Manu Militari. Pas du tout, je ne savais pas. C'est une jolie petite surprise. Et moi, si je suis venu, c'est parce qu'on était au resto avant et qu'il y avait un petit groupe dans le resto qui était très sympa, ouais, mais qui n'a pas de nom, donc on ne peut pas les appeler. Oui, c'était leur troisième concert. Ok, d'accord. C'était très, très... C'était Julie et Yvan. Oui, Julie très sympa. Et Yvan. Un peu même esprit que If, d'ailleurs. Si d'accord, je... okay. Duo. Voilà, duo, mais cette fois, c'était guitare-voix. Guitare-voix, ok. Voilà, c'était très sympa. Alors, on a un programme qui est chargé, chers auditeurs, puisque tu m'as préparé au pied levé des contenus, des chroniques qui vous parlaient de la musique. Je t'ai demandé ça mardi pour samedi. C'est aussi ça, l'esprit. Mardi soir, l'esprit, exactement. L'esprit d'un salopard. Ne commençons pas les noms d'oiseaux. Au programme pour cette émission, on va vite basculer sur la musique. On aura Initium, on aura Antoine Achelté. Tiens donc, on aura... Ça me parle. Ça te parle. On aura Actéon, on aura If, évidemment, comme on l'a dit. Et puis, mon ami Rick Z, tout un tas d'artistes locaux. Et on va commencer... Oui, Rodolphe ? Non, je disais, c'est bien. C'est bien, ok. Et on va commencer par un groupe qui s'appelle les Snapboarders. Ah. C'est un groupe qui a pignon sur rue. Ils font du rock alternatif assez puissant, porté par la voix de Tété Snap. C'est son nom Facebook, je connais pas son vrai prénom. Mais je pense pas que ce soit Tété. Qu'on a mis en lumière, d'ailleurs, en passant par la Lorraine. Effectivement, pour boucler les boucles des émissions, chers auditeurs. Couleur Locale est disponible sur Facebook, Fadjet-6 Couleur Locale, avec un nouveau logo pour fêter ses 40 années. Est-ce que vous êtes prêts, ladies and gentlemen, à écouter les Snapboarders ? Bien yes. sûr. Eh bien, je vais vous lancer le titre Dancing with the Sharks. Danser avec les... Attention, on va voir votre niveau d'anglais. Requins. Avec les requins. Bravo, oui. Rodolphe, tu as gagné ce quiz. Et c'est issu de leur album Icon. On se balance ça ? Allez. C'est parti. Eh bien, c'est parti. Maybe C'était les snapboarders qu'on a reçus d'ailleurs sur Couleur Locale et dans Passant par la Lorraine. On les a mis à l'honneur, comme on l'a dit. Vous écoutez 40 nuances nocturnes, on est avec Rodolphe. Et Isabelle, il est déjà minuit 8. Et on a écouté qu'un morceau sur les 40. C'est ça. Il va falloir un peu accélérer, mais c'est la vibe entre nous. Voilà. On est bien. On est bien ? On est bien, je suis bien. T'es bien, ouais, Tintin ? Eh bien, tu vas être encore mieux, puisque ça va être dans un instant Mira Soa, qui est une chanteuse qui nous vient des îles. Alors, je ne sais plus laquelle, si elle m'écoute, Vanessa, je suis désolé, il y a tellement d'îles. Bah, bravo. Il y a tellement d'îles dans ce monde. Bah, bravo, oui, je sais. C'est une chanteuse un peu dans une vibe, tu sais, jazz, soul. Ah. Tu vois, ce truc-là. Moi, ça, t'aimes bien, ça t'adore. Ouais, ah, t'aimes bien, ça. Ouais, j'aime bien. C'est très bizarre, il est minuit, mais ne disons pas de bêtises sur Fadjet. Si vous êtes en train de regarder le live sur Facebook, eh bien, vous pouvez réagir, évidemment, sur le live sur Facebook. Tout à fait. Le pouvoir des mots est important et nous le manions en radio. Et c'est pour ça qu'une radio comme Fadjet fête ses 40 ans, puisque nous aimons les mots, nous aimons les manier. Et toi, tu les manieras avec nous, puisque tu nous as écrit des contenus. Et justement, comme je suis pro des transitions, à votre avis, quel est le nom de la chanson qu'on va écouter ? Du coup, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Ben, c'est pareil, c'est logique. Rodolphe est déjà blasé. Non, je suis d'accord. D'accord. Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Alors, on met des extraits parce qu'on a beaucoup de musique à écouter. Alors, c'est beaucoup. Donc, c'est des extraits et on écoute Le pouvoir des mots de Mira Soa. Je me réveille à l'aurore et un nouvel élan me donne la force de combattre à toute heure. C'est le temps de la victoire, le temps de la victoire. Le meilleur jour se prépare au travers du miroir, celui de l'âme, de nos rêves et de tous nos espoirs, au-delà de tout ce que l'on peut voir. Savons-nous sur terre qui va nous voir. Mira Soa, le pouvoir des mots. On a entendu Rodolphe qui rigole. On sait pas. Pardon, je suis désolé. Ouais, y a pas de problème. Mira Soa, le pouvoir des mots. Alors, c'est marrant parce que si vous avez écouté le jingle qu'il y avait juste avant, vous avez entendu un monsieur. Ce monsieur s'appelle Zed et il a dit j'ai rejoint Fadjet grâce à une invitation de Pierre Mercial dans Couleur Locale. Tout à fait. Et vous savez qui on va passer maintenant, du coup ? Lui. Eh ben lui. Mais je trouve des étoiles là. Et donc son nom d'artiste, c'est Zed. C'est Zed. Alors Zed, c'est un personnage qu'il a créé. C'est un alien. D'accord. Qui arrive sur Terre et qui se pose des questions. Comme un alien pourrait se poser des questions en arrivant sur Terre. Et la question principale, c'est « What the fuck ?» Ok. Et du coup, si vous voulez de la drogue, il y en a à Fadjet. Évidemment, c'est une blague. On ne fait pas du coup tout la promotion. Pas du tout. Tout stupéfiant qui pourrait être stupéfiant. Prenez de l'émission de radio, prenez de la chronique, prenez de la voix. Et vraiment, vous allez vous sentir mieux. Et nous allons balancer Zed, la peste de l'ombre. Attention. Tanda, notre ami Z, qui est l'animateur de Parfum d'étoiles sur Fadjet. Tu vas te préparer, ma chère Isa, parce que dans quelques instants, ce sera à toi de nous faire une petite chronique que tu as eu beaucoup de temps pour préparer, puisque je ne t'ai pas demandé ça deux jours avant. Voilà, votre serviteur est un peu taquin avec ses chroniqueurs. Elle a dû se mettre en arrêt pour ça. Elle a dû se mettre en arrêt. Du coup, le couple que vous allez voir à nouveau à l'écran a besoin d'aide alimentaire, s'il vous plaît. On veut des pâtes. On veut des pâtes. On veut du riz. Et du picon. Du picon. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais ce qui n'est pas à consommer avec modération, c'est la radio. 40 ans, 40 années de Fadjet et la musique, les groupes locaux. Il y en a encore pas mal à découvrir. Et là, je vais vous présenter, tandis qu'il est minuit 15 sur Fadjet, on va vous présenter Alex Toucourt. Que c'est quelqu'un que vous connaissez, oui. Alex Toucourt. Ah oui, il est connu, Alex Toucourt. Il tourne, il a pignon sur rue. Tout à fait. C'est une expression qu'on a pu utiliser depuis 1985. C'est exactement. Bien sûr, on fait des petits teases. Alex Toucourt, que j'embrasse personnellement, que j'ai reçu sur Fadjet dans Couleur Locale. Couleur locale. Il est minuit, attention. je ne sais pas si je l'ai reçu en hiver, en été. Ou au printemps, c'était peut-être à l'automne. Et c'est marrant parce que le titre de la chanson qu'on va écouter de Alex Toucourt est... À l'automne. T'es trop fort. Non, c'est peut-être à l'automne. Ah, peut-être. C'était presque ça. Peut-être à l'automne de Alex Toucourt. Et puis, on se revient après avec toi, Isa. Ça marche. J'ai cherché mille et une manières d'avancer dans le noir. Passer le souvenir amer, coincé dans ma mémoire, que le temps emprisonne. Et je ne te reproche rien, juste le bruit de ton absence qui résonne en moi. Aux quatre coins du ciel, sur moi, les étoiles me ramènent à toi. J'ai trouvé mille et une raisons de te tendre la main. J'ai caché une lettre à ton nom que j'enverrai demain. Peut-être à l'automne. Et je ne te reproche rien, juste l'écho de ton silence qui résonne en moi. Aux quatre coins du ciel, quand la nuit tombe sur moi, les étoiles me ramènent à toi. Aux quatre coins du ciel, quand la nuit tombe sur moi, les étoiles me ramènent à toi. Alex Toucourt, peut-être à l'automne sur Fadjet dans 40 nuances nocturnes ce soir. Et on n'oublie pas pourquoi on est là, chers auditeurs, puisque nous fêtons les 40 ans de la radio. Fadjet, 40 ans d'ondes positives. Est-ce que vous vous sentez positif, mes chers amis? Très, moi. Très, et c'est dingue parce qu'à nous trois, on n'a même pas 40 ans. Quoi. C'est ça qui est c'est ouf. Ça. Ah, c'est dingue. De carrière, je veux dire. De carrière, effectivement. De carrière. Alors, Isa, eh bien, je vais te laisser la parole. De quoi vas-tu nous parler? Eh bien, je vous propose de faire un petit top 10 des chansons qui rendent hommage à la Lorraine. Allez, puisqu'on est dans le couleur locale. Ce qui est intéressant, c'est ça, de savoir quels artistes ont mis notre belle région. Ah, yes! On est chaud. En lumière. Et il faut que j'écoute parce qu'il y a un quiz. Eh ouais, il va falloir que tu sois attentif à toutes mes chroniques. C'est impossible, je pense. C'est impossible, totalement. C'est-à-dire que déjà à 19h, le mec sait pas. À Alors, je vous propose, donc en premier du top 10, Alphonse Kiera, alors qu'on appelle aussi Alf Lorraine. Lui, on en a déjà parlé dans Passeport à la Lorraine. Et il chante un truc vraiment, oui, qui parle de la Lorraine à fond, qui parle d'une ville en particulier, Forbach. Alors, pas d'une ville en particulier, mais justement de plusieurs petites villes en Lorraine qu'on appelle des... Patois. Patelin. Les Patelins Lorrains. Ah oui, les Patelins Lorrains, voilà, bien sûr. Sa chanson, c'est les Patelins Lorrains. Alors, Alf Lorraine, ce qui est drôle, c'est que c'est un artiste qui interprète au parc d'attractions Disney. Ah ouais, cool. Ouais. C'est cool, ça. Et donc, il est originaire de Forbach. T'avais pas complètement tort. Et donc, dans sa chanson Patelins Lorrains, donc il rend hommage au nom de village de Moselle-Est uniquement, des arrondissements de Forbach et Sarreguemines. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Strophe, tout ça. Ouais. Voilà. Il y en a quelques-uns. Il y en a pas. C'est très drôle. C'est génial. C'est la Lorraine, j'adore. C'est ça. Ouais. Deuxième du top 10, les amis de ta femme. Évidemment. Bien sûr, évidemment. Avec Laisse tomber gros. David Vincent. Donc, oui, avec David Vincent, notamment, qui a écrit cette chanson, qui est une reprise de Laisse béton de Renaud, mais à la façon lorraine. Et donc, du coup, dedans, on retrouve pas mal de patois lorrains. Et donc, bien sûr, bah, les amis de ta femme, c'est un groupe originaire de Nancy. Yes, 54. Voilà. Troisième du top 10, eh bien, en passant par chez nous, de Lorraine, voilà, c'est le nom du... C'est pas trop embêté. Voilà. Ça s'écrit Lorraine comme la Lorraine ? Lorraine, donc comme la Lorraine. Et alors, l'auteur vraiment du groupe Lorraine s'appelle Fils Yann. Il a grandi à Petitmont, en Meurthe-et-Moselle. Il vit désormais à Sarrebourg, en Moselle. Okay. Petitmont, c'est près de Ciré-sur-Vieuse. Voilà. Merci, et donc, Rodolphe. Quand même... Le clip a totalisé, a priori, à ce jour, plus de 70 000 vues, quand même. Okay. Pas mal. Pas mal, hein. Voilà. Quatrième du top 10, Roland de Lassus. Ah. Avec En passant par la Lorraine, c'est celle qu'on connaît. Okay. En passant par la Lorraine. Donc c'est un vieux, quoi. C'est vieux, un vieux truc. Et donc ça date du 16e siècle. Ah, Roland de Lassus. Rodolphe n'était pas né, ça je peux vous le dire. Presque. Mais... Donc au départ, c'est une petite comptine et ça a été donc mis en musique par Roland de Lassus au 16e siècle. Super. Si tu nous écoutes, Roland. Voilà. Cinquième, Kikeza, avec sa chanson Nancy. Kikeza, fan, on l'a vu en concert, c'est génial. Ouais, c'est top. C'était très top. Il a beaucoup, beaucoup d'énergie, le jeune homme. Le jeune homme. Voilà. Donc, c'est un rappeur, bien sûr, qui met en évidence, en lumière la ville de Nancy. Très bien. Sixième, Émissaire de paix. Les crocs du dragon. Donc ce morceau, les crocs du dragon, c'est donc interprété par le trio de rap Émis R de P, qui rend hommage à une institution du sport lorrain, le FC Metz. Le Graouli du coup, c'est ça. Et voilà. Exactement. Et donc le titre fait référence justement au Graouli, le dragon emblème de la ville de Metz, présent sur le blason du club. Ah, super. Et pareil, ils sont à près de 70 000 vues sur YouTube. Peut mieux faire. Voilà. Bon, pourquoi ? Ensuite, septième du classement, Bloom, Rouge et Blanc. Eh bien, c'est le concurrent. Yeah. Donc, c'est le rappeur Allez, Bloom, Nancy. Lui. Allez. Il met à l'honneur la SNL, bien sûr, dans le morceau Rouge et Blanc. Huitième, le Parisien feat le Lorrain. Ok. Et la chanson s'appelle Point de vue. Cette vidéo a été publiée en 2017 sur le compte YouTube de l'humoriste messin Jocelyn Dailly. Et donc ça a commencé justement à faire un petit buzz à ce moment-là. D'accord. Neuvième, Bernard Lavillier avec Fench Valley. Ouais, il parle de la vallée de la Fench. Voilà, ouais. Tout à fait. Le grand Bernard Lavillier. Ouais. Alors, même si c'est pas un Lorrain au départ, qu'il est originaire de Saint-Étienne, dans sa chanson Fench Valley, donc il parle de Florange, Knutange, Ayange, Fontois. Voilà. Tous les trucs en hanche, quoi. Tous les trucs en hanche. Ucange. Voilà. Tous les hanches. Et enfin. Dixième, Mathieu Chédid, donc M, avec le blues de Metz. Okay. Voilà. Alors, c'est une improvisation sans parole qui n'est pas un hommage direct à la Lorraine, mais la chanson a pu être nommée de cette manière pendant un concert de sa tournée à Metz entre 2004 et 2005. C'est classe quand même, parce que M, quand même, c'est un personnage. C'est quand même la classe. Bernard Lavillier, M, quand même, on peut être fier. C'est pas mal. Il est minuit 24, vous écoutez 40 nuances nocturnes, c'est votre édition spéciale 40 ans de Fadjet couleur locale qui est diffusée les samedis 13h, les dimanches à midi sur Fadjet à Nancy, évidemment 94.2 Fadjet.net et en DAB+. On est au milieu, on est au tout début en fait même des 40 ans de Fadjet. Il y aura encore, et eh bien comme on est à la quatrième heure et que vous savez compter, il en restera... 36. On est à la cinquième heure. On est à la cinquième heure, si oui. Je peux me permettre. On a Valentin et même la sixième, du coup. Comme on le fait, il restera 34, en fait. C'est n'importe quoi. Les maths. Est-ce que vous allez bien, chers auditeurs? N'hésitez pas à réagir sur les... Non, tu n'es pas un auditeur. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Fadjet-6 couleur locale, je plaisante Rodolphe, je t'aime Rodolphe. Sur la page Facebook, où vous voyez nos têtes, là, il y a la mienne. Voilà, bisous. Si on a parlé de la Lorraine, c'est aussi parce que demain on fait un En passant par la Lorraine spécial à 17h. Tout à fait. Voilà, on est l'équipe d'En passant. Ça en 1985. On va écouter un groupe qui fait du tribute d'un monsieur qui n'est absolument pas du tout lorrain. Ah. Mais le groupe est lorrain. Tac. C'est les Phoenix 66 qui reprennent le taulier Johnny. Johnny. Évidemment. Eh oui. Je sais pas, Rodolphe, la tête qui fait... Et ils ne font que du Johnny ? Que du Johnny, mais c'est un tribute. Moi, j'aime bien écouter Johnny, en fait. Je suis pas fan du personnage, mais j'aime bien écouter Johnny, en vrai. Eh bien, on va écouter un extrait de leur spectacle, et le morceau, c'est Diego Libre. Dans sa tête. Des barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Phoenix 66, un groupe au catalogue de Nemrod Productions. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce qu'il y a que du, quasiment que du local et du bon local. On en aura d'autres qu'on va écouter, notamment Def et Rita, qui sont en duo guitare-voix aussi. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire sur la scène locale à Nancy. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a de quoi s'amuser et découvrir de belles choses. Alors, en parlant de belles choses, on va parler d'un style que je n'affectionnais pas particulièrement, mais que pourtant, je suis tombé dedans un peu. On va parler de reggae. Je suis pas trop fan de reggae. J'ai joué avec un monsieur qui s'appelle Naya Burning, et on va écouter un de ses morceaux, un extrait de ses morceaux juste là, et voilà, il fait du reggae, et pareil, c'est pur la scène Nancy, quoi. Et l'occasion de dire quelque chose qui est un peu triste, mais il y a Naman qui nous a quitté, qui est un grand artiste reggae qui nous a quitté cette semaine d'un cancer du cerveau. Voilà, je veux pas tarir l'ambiance, mais du coup, c'est de cette circonstance quand même de rendre hommage à des artistes qui nous quittent trop tôt, et l'occasion de vous dire que, eh bien, il faut s'accrocher et faire vraiment comment dire, ce qu'on a envie de faire, ouais, et se faire plaisir. Se faire plaisir, voilà, merci. Vous écoutez 40 nuances nocturnes, couleur locale, édition spéciale pour les 40 ans, l'anniversaire de Fadjet, les 40 ans. Et on va écouter un extrait de mon ami Naya Burning que j'embrasse, c'est son morceau Africa. Sisters, you are loving and welcoming Africa. I love visiting you and living with you. Il faut que je te prévienne à chaque fois. Je me barre bientôt en fait, parce que je vais aller dormir. J'ai une émission demain. On a une émission demain. Je prévenais ma femme que je me barrais bientôt. Pardon. Tu n'es pas tout seul, Rodolphe. Nous serons avec toi demain. Bonjour à tous les auditeurs qui entendent mes conneries à la radio. On vous rappelle que c'est les 40 ans de Radio Fadjet. Fadjet, 40 ans de proximité. Moi, je sais pas pour vous, mais j'aime bien la proximité. Ça dépend. C'est bien la proximité. Ça dépend avec qui. Et avec quoi. Il y a une artiste, et vous allez voir que la transition est belle là aussi. Mec, ça va tranquille le melon. Et il y a une artiste qui s'appelle Allium et qui, durant toute sa carrière, a parlé de ses, de proximité, mais plus dans la critique et notamment sur cette vague féministe, les droits des femmes. Je suis en train de me perdre, mais vous voyez où je veux en venir. Ouais, bah ok, vas-y, balance la chanson. Elle a fait un titre qui s'appelle « Tu devrais être flatté », qui dénonce justement ce côté, tu vois, enfin un peu un drague de rue, machin. Oui, bah tu devrais être flatté, bah non, en fait. Bah non, je ne t'ai rien genre, demandé. Genre, casse-toi, quoi. Ouais. Je ne t'ai rien demandé. Donc, écoutez, on va écouter un petit extrait et puis on repartira très vite quand même sur une chronique. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? Ok, ça me va. Eh bien, c'est « Tu devrais être flatté » de Allium. Féministe, mais ouvre les yeux, t'es tellement bien dans ton confort qu'il t'en faut peu pour être heureuse, mais t'as raison. Espèce d'hystérique, des allume-feu, c'est qu'un Oscar, pas la peine d'en faire une histoire, ces films sont bien et gagnent de la thune. Alors c'est sûr, tu en veux plein pour combler tes lacunes. Moi j'aime bien chanteur, impossible qu'il touche des mineurs. Menteuse, je le voyais danser le zombie, t'étais pas encore née, mais ferme ta gueule, femme. Va faire la vaisselle, fais-toi belle, et par pitié, sois un peu intellectuelle, et pile-toi bien, respecte-moi. Parce que dans tous les cas, moi non, je te respecterai pas. Même si j'ai besoin de toi pour assouvir mon appétit et pour élever le prochain fils qui aboiera sur les femmes toute sa vie, pour me sentir vivant et beaucoup plus fort. Parce qu'au fond, je te le dirai pas, mais par rapport à toi, je me sens faible et mort. Moi, je suis mère et fière de l'être. Et si une femme m'accuse, c'est juste une putain de jalouse. Elles veulent toutes de moi, mais n'assume pas. Un gros big up à Allium qui était ma prof de chant. Ah oui, et ouais, c'est avec elle que j'ai pris des cours et en jugé par l'état de ma voix là ce soir, il faudrait peut-être que je la recontacte. Ce serait vraiment vraiment sympa. D'ailleurs, petit instant auto-promo, mais vous le savez, j'aime ça. On écoutera du Grand Large en fin d'émission parce qu'il y a pas de raison que je passe If si je passe pas Grand Large. Tu as bien raison. Quand même. Tu as bien raison. On va passer du côté métal de la force quand même. On va se bouger un peu puisqu'il est minuit 32 et on va écouter un groupe qui s'appelle les Coming Wolves. On peut traduire Coming ça par Wolves. Coming Wolves, donc les loups venants. Wolves. les loups venants, les loups arrivants, les loups débarquants. Oui. Qui est un groupe qui tourne pas mal. Ils ont plein de dates. J'aimerais bien savoir comment ils font, qui est leur booker et comment, comment on peut leur piquer. Si vous écoutez Coming Wolves, laissez-nous vos dates. Laissez-nous vos dates, s'il vous plaît. Non, mais transmettez-nous vos contacts. Et on va se mettre le titre qui s'appelle Wolf, donc loup. Ok. Des loups venant. Ils s'emmerdent pas. Ouais, mais cela dit, moi non plus, j'aurais pu en choisir un autre. Wolf, un petit extrait des Coming Wolves sur Fudget dans 40 nuances nocturnes. Est-ce que ça déménage ou ça déménage pas là dans le studio? Carrément, on dirait les déménageurs bretons quoi. Les déménageurs bretons. C'est tellement claqué. Les Coming Wolves. Les Coming Wolves, on les embrasse aussi. Tous ces gens-là, je les embrasse parce que je les connais. Ça fait beaucoup de gens à embrasser. Vous en conviendrez. Ce sera bientôt à toi, Isa. Mais on va continuer un peu des extraits de musique parce qu'on en a 40 et on en a passé 8. Et il est minuit 35 sur Fudget en 40 nuances nocturnes au 94.2 à Nancy sur Fudget.net et en DAB+. Et là, zut, attendez, je recommence. Je peux vraiment le faire en DAB+. Voilà, vous êtes tous contents. On va passer dans le côté électro de la force maintenant. Alors, c'est éclectique ce soir avec le groupe Death by Selfie. Donc, la mort par selfie. Alors, vous dites. Ok. Pourquoi ? Mais je ne sais plus. Alors, ils ont une gimmick. Ça marche. Ils ont une gimmick, c'est. Ils ont des, vous savez, les lunettes qu'on avait quand on était gamin pour les livres 3D. Ah, avec, oui. Avec un truc rouge et un truc bleu. Ouais. Voilà. Et ils ont ça. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et du coup, on va écouter le. Je plaisante. On va écouter le titre Fluid Gender. By Selfie, Fluid Gender, on vous passe des extraits parce qu'on en a tellement à passer et que Isa aura des choses à raconter aussi. Donc aussi. Coup, voilà quoi. Est-ce que tu passes un bon moment? Très bon. Alors, je suis bien coup, là. Ouais, t'es bien, on est bien. Dans les locaux de Fudget, on est cool pour fêter les 40 ans, C'est ans. Ça. De la radio. Moi, pour te dire, il y a 40 ans, j'étais pas né. Mais j'aurais aimé avoir 15 ans il y a 40 ans et démarrer à Fudget. Tu sais, démarrer l'aventure, ça aurait été cool, n'empêche. Ouais. En 40 ans, est-ce que tu penses que toi, tes formations existeront encore dans 40 ans? Genre, if. Dans 40 ans, je ne pense pas. Comment dire? Dans 40 ans, ouais. Non, j'aurai 87 ans. Donc, 87 ans. Ah, 87 ans, on peut quand même faire un peu de musique encore. Ouais. Bah, non, je raconte n'importe quoi. Je pourrais faire de la musique, mais peut-être pas la partager encore. Peut-être pas la partager. Ça sera pas très jojo, je pense. Ça sera pas très joli. Moi, dans 40 ans, j'aurai 73 ans. Ouais. Oh, ça se tient un peu quand même, 73 ans. 73, ça va. Faut être bien, faut être en forme. Oui. Alors, on va parler de jeunesse maintenant, on va parler de Deferitas, un duo guitare-voix, également au catalogue de Nemrod Productions. Et on va écouter un extrait du titre « Quand tes bras ». C'est juste le nom du morceau. « Quand tes bras ». Quand tes bras. Okay. Quand tes bras quoi, je ne sais pas. Quand tes bras. Deferita sur Fudget dans 40 nuances nocturnes. quand tes bras me serrent, s'éloigne les pourquoi. Dans deux mains de peine, chassées par tes rides droits, apaisant les mots, étouffant la chaleur des peurs, épousant le temps, faisant durer les heures. Quand tes bras me serrent, s'ouvre la nuit enfin. Le poids de la terre soutenu par deux mains. Les étoiles entraînent sans rêver, briller mieux que tes yeux. Lumière éternelle, le fruit de mes voeux. Lumière éternelle, le fruit de mes voeux. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est tout doux. C'est tout doux et très jolie voix, je trouve. Très jolie voix, Rita. Je les ai pas vus beaucoup tourner ces derniers temps. J'espère c'est que... Le nom, c'est quoi le nom du groupe? Def et Rita. D'accord. Alexis Defa et Rita. Ok. Du coup, très sympa. Je les ai pas vus. Je crois qu'il faudrait que je regarde s'ils ont des concerts. On a bien préparé cette émission. On est là pour tout, toutes les infos. Ouais, chers auditeurs, moi, j'ai préparé. Toi, tu as préparé, effectivement, et ce sera à toi. Mais bon, ouais, bon voilà, c'est comme ça. Dusk of Delusion, c'est un groupe de métal. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais après, je suis pas très métal, moi. Alors, je. T'es pas très métal? C'est vrai que je connais pas trop les groupes de métal. Tu connais pas les groupes de métal? Toi, t'es plus. Ouais, je suis plus pop rock, moi. Pop rock. Soul. La soul. Funk. La funk. Le funk, on dit quoi? On dit la ou la le funk? Funk. La funk. Dusk of Delusion, c'est aussi un groupe qui... Ah ouais. Ah ouais, non, c'est pas trop mon style, ça. Mais bon. Mais à minuit 40, mais, ça... Je comprends qu'on puisse aimer, parce que je pense que ça doit bien, bien... Ah, ça décape. Ça doit faire... Ça doit procurer pas mal de trucs dans son ça, corps, ça. Je les ai vus en concert, on va vous faire profiter, on va monter le son quelques instants. Ça déménage. Ça déménage bien. Ah, du coup, je viens de régler l'angle de caméra pour qu'on te voit un peu plus sur le live. Et voilà, Dusk of Delusion, ça déménage un peu. Ça déménage, ouais. C'est vraiment pas mal. Faut aimer. Moi, je comprends, je suis métalleux, mais je comprends les gens qui... C'est pas que j'aime pas, c'est que pas l'habitude d'écouter ça, en fait. Et du coup, je suis pas attirée directement par ça, en fait, comme musique. T'es pas attirée directement par ça. Non, je suis pas attirée par voilà, ça. Mais ça ne me dérange pas. Eh bien... On va embrayer, mais sur genre un autre qui n'a rien à voir, c'est mon ami Rick Z. Il fait de la chanson un peu humoristique comme ça. Ah, ça j'aime bien. C'est un monsieur très jeune. Un monsieur, si tu m'écoutes, Rick, ouais, ça, quand tu dis c'est un monsieur, ça vieillit genre ça tellement fait très à mort. Quoi. Alors que bon, il a quoi là, peut-être 45 ans, un truc tout à fait. Ah, donc il n'est pas vieux. Il n'est pas si vieux que ça, quoi. Non, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux, ouais. Non, je te dis, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux, 45 ans, c'est pas vieux. Il a sorti un album qui s'appelle Les airs de Rick Z. C'est de la chanson très poétique, très humoristique. Et lui, il fait des spectacles pour enfants. Ah, chouette. Donc c'est très très sympa, j'aimerais bien aller le voir, mais le problème c'est qu'un spectacle pour enfants, eh ben c'est un spectacle pour enfants. Mais du coup je peux être un grand enfant qui vient. Tu peux. Tu vois, c'est comme ça qu'on perd un peu de temps sur les 40 chansons, c'est en racontant n'importe quoi. Vous écoutez l'édition spéciale de Couleur Locale, 40 nuances nocturnes. On rappelle que Couleur Locale est diffusée les samedis 13h et les dimanches à midi. Le week-end prochain, nous serons avec Teen Spirit Experience. Et là, coup, on part. Ouais, et là, on écoute Rick Z qui nous fait une chanson pour son ex. Te souviens-tu de tout? Quand on s'est rencontrés sous la pluie un beau soir, tu portais élégante un très grand manteau noir. Oui, c'était un caouet vert fluo dégueulasse, mais un grand manteau noir, c'est quand même bien plus classe. Te souviens-tu de tout de nous? Je me souviens de nous, de tout. Notre tout premier. Alors tu vois la vibe. Tu vois, j'aime bien, c'est frais, c'est sympa, chaud. C'est rigolo. C'est les airs de Rick Zadisson. D'ailleurs, en concert avec David JPM, qu'on écoutera, ils ont formé un duo, donc il y a plusieurs dates qui vont être annoncées. D'accord. Voilà, c'est de la chanson, c'est très, très, très sympa. See you at sunset. On change totalement de décor et on repart sur un truc un peu électro-rock comme ça. Que des groupes, hein. Je rappelle que j'ai reçu dans Couleur Locale. Là, le titre, alors c'est... que tu as reçu, mais depuis quand? Depuis que tu as commencé l'émission? Depuis que j'ai commencé. Alors là, c'est des groupes, ouais, ça... Là, les groupes qu'on entend, c'est des groupes il y a peut-être 3-4 ans, quoi. D'accord. Ça commence à remonter. On va aller plus vers le futur dans l'émission. See you at sunset, you don't care. Avec le super accent anglais, t'as vu. J'aime beaucoup ça. Ouais, c'est atmosphérique, ouais. Ça va bien. Il y a un petit côté, petit côté Dépêche Mode derrière. Ouais, ah, je ouais. trouve, j'aime c'est, beaucoup. C'est très sympa. Ils sont, en plus, ils sont très sympas, mais ils sont tous sympas sur la scène locale. Ça, c'est là, ce qu'il faut. Oui. C'est des Lorrains. C'est des Lorrains, alors ils sont forcément, ils sont forcément sympas. Et les Lorrains qui méditent comme quelqu'un qui médite. La chanson Je médite. Mes transitions sont magnifiques. Ça médite longtemps. Je médite dans ma salle de bain, sous la douche, je nettoie les eaux troubles de mon âme. Je médite. Il y a un côté un peu arabisant. Ouais, carrément. Très oriental. Très oriental. À la sonnerie du tram. Am, am, am. Je ne m'attendais pas au « am, am, am ». Alors, on a Rodolphe qui nous dit « je regarde ». Il vient juste de partir. De vous coucher de Saint-Nazaire à Auckland, de Thionville à Disneyland. Je médite, je médite. Il y a eu Thionville, il y a eu la rêve. Il y a eu Thionville, oui. Donc, on est quand même bon sur Couleur Locale, 40 nuances nocturnes, parce qu'on reste dans le côté lorrain. De la force, et on n'oublie pas que si nous sommes là à cette heure-ci, Isa, c'est pour fêter les 40 ans de Radio Fadjet. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Et nous avons Valentin qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Valentin. Qui s'ambiance, qui a la pêche parce qu'il doit rester éveillé jusqu'à 7h. Oui, c'est ça. Jusqu'à 7h. Attends, je vais tourner la caméra. Tu vas meubler pendant que je tourne la caméra vers ta tête. Ça marche. Bah, c'est juste, voilà, déjà, je venais vous faire un petit coucou parce que c'est aussi ça le principe des 40 heures, c'est que finalement, on s'invite un peu dans les émissions des uns des autres aussi. C'est cool. Et ouais, moi, je reprends l'antenne vers 2h et je la lâche pas jusqu'à 7h. Oh la vache. Au 94.2 à Nancy sur Fadjet.net et en DAP. Plus, et cette fois-ci la caméra n'est pas tournée vers moi. Ça tombe bien que tu sois là puisque nous allons, tu vas pouvoir réagir au contenu que Isabelle va nous présenter. Mais tu vois, je l'ai senti. Tu as bien fait de venir. Alors c'est à toi Isa, de quoi on va parler? Eh bien on va parler des Lorrains dans les télécrochets, parce que il faut dire que on a beaucoup de Lorrains qui ont participé à des télécrochets. Les télécrochets, c'est genre émission... Alors, qu'est-ce que tu connais comme télécrochets? Mais genre... C'est genre Starac, des trucs comme ça, d'accord. Nouvelle Star, et l'autre connu... Est-ce que c'est que des trucs musicaux? Ouais. The Voice, du coup. Oui, il y avait Popstar aussi, je crois. Alors, il y avait Popstar, je suis pas remontée jusque-là. Je me suis contentée des trois-là, donc The Voice, okay. Starac et Nouvelle Star. Alors, pour The Voice, il y a eu de très très nombreux Lorrains et Nancéiens, notamment, qui ont participé à The Voice et qui ont fait des beaux parcours dans l'émission, okay. Comme par exemple Maximilien Philippe d'Audin le Roman, qui en saison 3, donc c'est en 2014, donc lui il a tenté sa chance et il est arrivé en deuxième place face à Kenji Girac. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Enfin, arrivé après Kenji, c'est presque gagné. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, deuxième, pas mal. C'est, ouais, beau, j'avoue, hein. J'avoue. C'est beau. Autre participant, Casanova, donc qui est originaire de Nancy. Et qu'on a reçu dans Couleur Locale sur Fadjet également. Bah, tu vois. Johan Casanova qu'on embrasse. Le monde est petit. Donc lui, c'était en saison 7, donc en 2018, et il a terminé. Il a terminé en finale. Oui, il était en finale. Pas mal, hein? pas mal. Nos Laura ont du talent. Et ouais, c'est vrai. Autre personnalité, Sonia Rousset de Villers-les-Nancy en saison 10. C'était donc là en 2021. Et elle, elle, a, elle est allée jusqu'aux étapes. Quart de finale, huitième de finale, seizième de finale. Élimination des éditions à l'aveugle, ensuite les battles. Voilà, parce que The Voice, elle s'est arrêtée. Oui, ah, oui. Okay. Non, mais parce qu'il y a eu cette année-là ce qu'on appelait les KO. Ouais, d'accord. Elle s'est arrêtée au KO. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Du coup, tout est KO, quoi. Mais elle continue à jouer avec son groupe qui s'appelle Sonia and the Freaky Ones. J'aime bien le nom. Voilà. C'est sympa. Marina D'Amico. Okay. Ça vous dit rien ? Non, ça me parle pas. Eh ben, elle aussi est allée assez loin et elle a créé depuis une école de chant à Sarreguemines. Oh ! Voilà. Angelo Mougin de Mézières-les-Metz, lui c'était en saison 10, donc en 2021 aussi. C'était un prof d'italien, je crois qu'il est encore prof au lycée Henri Poincaré à Nancy. Ah ouais, oui. Trop bien. Et trop bien. Il est allé jusqu'au quart de finale quand même, pas bien mal. Bien joué, bien joué. Okay. Donc ça c'était pour The Voice. Alors il y en avait plein d'autres, mais qui ne sont pas allés aussi loin que ceux que je vous ai cités. Donc j'ai restreint, on va dire. Pour la Starac, bah, bien évidemment, notre grande star de la Starac, c'est qui ? Le Nancéien qui est allé loin, très loin. Mais c'était Starac saison 2. Parce que j'étais né, au moins. Même pas je suis pas sûr, tu as quel âge, Valeur ? 29 quand même. Ah, si tu étais né. Je l'ai sur le bout de la langue, mais pas plus. Oussine. Ok. Oussine, bien sûr. Non, ça ne vous parle pas, Oussine. Alors moi, j'avoue, mon... Eh bien, il était en finale face à Nolwenn Leroy. Oui, ah ouais, c'est elle qui a gagné. La Bretagne contre le Grand Est. C'est ça. Alors, bon, c'est la Bretagne qui a gagné, malheureusement. La Lorraine étant la Bretagne sans la mer, mais avec la mer. C'est ça. Il était quand même en finale et c'était une très très belle finale d'ailleurs. Okay. Et donc lui, bah, aujourd'hui, il continue à faire du spectacle. C'est un petit bonhomme rageux. Ouais, ouais, ouais. Il a participé à des comédies musicales, plein d'événements musicaux dans le coin aussi. Okay. Voilà. Autre personne, Lorraine, qui a participé à la Starac, Jessica Marquez. Donc elle était candidate de la première saison et elle est arrivée quand même demi-finaliste de l'émission et elle a été éliminée face à Jennifer en demi-finale. Ok, voilà. Ça arrive. Rudy Carvalho, lui c'était aussi en 2002, donc la deuxième saison, en même temps que Oussine. Et lui, il a été éliminé au bout d'un mois et demi, donc c'était en... Coup dur. Coup dur. Un mois et demi, ça va, c'est pas mal. Ça va, je sais pas, je m'en rends pas compte. Si, si, pour la Starac, bah, ça dure trois mois, la Starac. Ah donc, oui, donc il a fait la moitié. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Peut mieux faire. Alors, il peut faire la finale, bon, ça n'a pas le moins. Le moins bon a été le dernier, Louis, le jeune Laurent, qui est né à Remiremont et qui habite Villers-les-Nancy, qui lui a fait une semaine. Ça a été le premier éliminé de cette saison. C'est déjà une semaine de plus que beaucoup de gens. Après, j'ai envie de te dire, tu te souviens souvent du premier éliminé plus que ceux du milieu. Donc d'un autre côté, c'est peut-être vrai, plus c'est marqué vrai, que certains. On se rappelle des premiers et des derniers, mais bien sûr, le ventre mou. Et oui. Et puis, la nouvelle star. Bon, alors, faut bien dire que dans cette émission, les Lorrains ont été moins prolifiques. Mince. Même si certains ont fait un beau petit bout de chemin dans l'émission, ceux y sont même dans les finalistes, comme Sloan de Clouange en 2017, ou encore... Messin Philippe Krier, guitariste du groupe Lorrain Backstage Rodeo. Tu les as pas reçus, eux ? Non. Non, bon, bah voilà. Mais c'est un appel. Alors, il y a quand même une artiste qui va rester dans notre mémoire pour la nouvelle star, c'est Cindy Sanders. Papillon de lumière. Eh bah oui, mais oui, elle est Lorraine. De lumière, elle est Lorraine. Elle est Lorraine Cindy Sanders. Elle est d'où précisément ? Elle est. C'est Moselle, mais alors je ne sais plus. Ça veut tout dire. C'est Moselle. On les aime bien, on les aime bien. On les aime bien. Et est-ce que vous vous souvenez de son. Voilà, de Papillon de lumière. Bien sûr, Papillon de lumière. Sous les projecteurs. N'empêche qu'elle aura forcé son truc et ça a marché. Hein. Et oui, ça a marché. C'est là qu'on voit qu'il est 1h du mat quand même, on chante Papillon de lumière direct à Fadjet. Cindy Sanders s'était mariée au parc Walibi. Incroyable. Incroyable. Ou alligator. Oui, maintenant alligator. Vous écoutez 40 nuances nocturnes, on est sur Fadjet dans le cadre des 40 ans, 40 heures de directo, 94.2 à Nancy sur Fadjet.net et en DAP+. Suivez-nous sur Facebook, le live, et réagissez avec nous à 1h du matin. On continuera, et on continuera d'ailleurs jusque dimanche. Quelle heure, Valentin? Dimanche midi. Dimanche midi. Là, on et tu vas dormir la nuit ou pas? Je vais dormir pour samedi Valentin. Entre 8h et 16h. Entre 8h et 16h. Le reste du temps, je suis à l'antenne. D'accord. Là, au fond, on a Line Glow. Une charmante demoiselle que j'ai reçue, une des premières que j'ai reçues l'an beau. Dernier. J'aime beaucoup. Très très beau. Le titre s'appelle Come Back. Ça, c'est typiquement le genre de musique. C'est la bonne heure pour écouter ce genre c'est de musique. C'est la bonne heure pour écouter elle ce genre de musique. Elle a une voix très années 80, je trouve. C'est peut-être dans les arrangements aussi. Oui, ça oui. aide. Et j'ai fait, tu dis ça, je dis ça comme ça. Non, comment le prendre, tu vois. C'est très bien. C'est joli, mais ça fait la voix fait très années 80. Autre son, autre ambiance. J'ai fait des super rencontres. Hein. Déjà, on fait des super rencontres en radio, mais on fait des super rencontres quand on rencontre des musiciens. Je vais arrêter de dire le mot rencontre. C'est les Fireflies. C'est trois petits jeunes, c'est des bébés. Ils ont 18, 19, 20 ans. C'est un trio basse, guitare, batterie. Et c'est un live là de l'autre canal et ils sont en train de... D'exploser. Cool. Les Fireflies. D'ailleurs, savez-vous me dire ce que veut dire Fireflies en français? Oui, tout à fait. Vas-y. Ça veut dire Luciole. Oh. Lucienne. Luciole. Attention. La clench. La clench. Ah, mais j'ai déjà entendu ça, la ouais. clench. C'est la un mélange de la clenche. Oui, ben c'est ça, la clenche, mais clanche. Moi je dis la clenche. La clenche. La clenche. On est Lorrain, la clenche. C'est un groupe, hein, évidemment Lorrain, qui mélange la musique des Balkans, la musique tzigane, avec une touche d'humour. Mais quand même, ça laisse à désirer son déguisement de bohème. Ça me fait délirer, il rechigne à faire le détour. Il soupire pour un rien, ce typo, toujours le détour. Et je mets une étoile en moins. Ça me fait un peu penser à du Benabar oui. dans l'esprit. Benabar. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est vrai. J'aime beaucoup. Le détour, aller-retour et son détour à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour. Hubert est toujours là. Ouais, c'est très sympa. C'est très très sympa. Ladislava. Ah, c'est connu ça. Ladislava, électro des Balkans aussi. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, non, les Balkans influencent beaucoup les chanteurs locaux. Hein. Avec tu te souviens que c'était mon voisin Ladislava quand j'étais petite. Oui, tu l'avais dit effectivement. Avec Emmanuel à la clarinette. Là, on entend. Moi, je suis clarinettiste, donc quand j'entends ça. Ah bah, c'est plaisir pour toi. Ah, c'est presque l'heure aussi pour mettre un truc comme ça. Vous êtes dans votre voiture là. Ouais. J'allais dire fermez les yeux, mais ne fermez pas les yeux. Si vous êtes en voiture, pas trop. Vous êtes dans votre voiture. Ouvrez les yeux. Ne vous endormez pas, par pitié. Restez quand même avec nous. Et la voix. On sent l'inspiration balkanique. Ouais, c'est. C'est terrible, hein. Mais terrible dans le bon sens. Ah ouais, c'est super. Dans le bon sens, dans le bon sens du terme, mes chers amis. Est-ce que ça va, Valentin? Écoute, moi, je suis ravi d'être venu. Tu es ravi pour ce petit bout d'émission. Je ne regrette pas mon déplacement. Et on vous rappelle, chers auditeurs, que Couleur Locale, c'est les samedis à 13h, les dimanches à midi sur Fadjet à Nancy, et que le week-end prochain, nous aurons Teen Spirit Experience. Je vais y arriver. Évidemment, j'étais obligé de passer mes potes, surtout quand je joue avec. Et je l'ai fait en toute, et ça, s'il écoute, il va apprécier humilité, puisque c'est Antoine HLT. Humilité. Antoine HLT, qui est en plus un habitué de Radio Fadjet. On adore à Fadjet. Il est tout le temps là. Il est venu jouer plein de lives pour plein d'événements Fadjet. Ouais. On adore le recevoir. Plaisir que tu le passes pour ces 40 heures spéciales. C'est ne lui rendre que justice de le diffuser. Bien alors, sûr. Je vais vous dire un truc. Je l'avais invité à venir ce soir. Je voulais qu'il y ait un invité surprise qui arrive comme ça, genre à un moment dans l'émission, genre on est avec Antoine HLT. Et en fait, c'était moi depuis le début. Et c'était Valentin. Et non, Valentin c'est ça. HTM. Et non, moi, désolé. Mais bon, finalement, c'est un horaire un peu compliqué. Par contre, il sera là demain. Je suis un être supérieur. Tu termines pas ta phrase. Non, mais je vais la terminer, c'était juste pour... Il fait du suspense, du teasing. Il sera là demain avec Mike. Ah oui. À 21h donc, pour la musique dans le temps. À 21h pour la musique dans le temps. Tout à fait. Donc Antoine HLT, électro-pop, chanson, humoriste, à texte, et beaucoup de messages qui sont passés, et on joue en live. Enfin, je joue en live avec pas vous, évidemment, je dis on. Mais cela dit, j'en connais une qui fait du live, c'est Isa, avec le duo IF. Alors j'ai pris un des extraits que tu m'avais envoyé. Est-ce que tu reconnais la chanson que... Peut-être que je te mets en piège du coup. Moi j'attends les paroles pour... On a même un live. Ça c'est beau. No one know what it's like to be faded. To be faded. Oh là là. Only lies. On sent qui, on sent la différence des voix. Voilà. Ouais, bon, ça va. il va bientôt être une heure. Et vous êtes toujours sur Fadjet dans 40 nuances nocturnes. Et je vais avoir besoin de toi, mon cher Valentin. J'arrive. Parce que je suis un peu mauvais. Et si on n'a pas envie de décrocher l'antenne là maintenant, eh bien, je vais avoir besoin de toi. À suivre, puisque nous avons fait déjà la moitié des chansons qui étaient prévues, on aura Actéon, on aura Risbo Graouli. D'ailleurs, oblique, grand large évidemment, pour me faire plaisir. Et puis, il y aura aussi un artiste qui n'est pas du tout lorrain. Ça, c'est con. Bah pourquoi ? Mais parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'ailleurs, je fais ce que je veux. Oui, c'est parce vrai. Parce que c'est mon émission. Mais bon, c'est chelou quand même. Mais c'est un peu chelou, mais je vais expliquer pourquoi. Ça s'appelle couleur locale ton émission. Mais bon, on est tous des citoyens du monde. Ouais. Ouais, quand même, sur Fadjet au 94.2 à Nancy, sur Fadjet.net et en DAB+. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur le Facebook live. Alors, je sais que Rodolphe nous regarde. Encore Je crois qu'il ou peut-être qu'il dort. Il était là avec nous. Et puis, aimez la page Facebook Fadjet-6 couleur locale. Et évidemment, la soirée n'est pas finie, la nuit n'est pas finie, hein, Valentin. Il va y avoir plein de trucs. Moi, je suis là jusqu'à 7h. Ça va être 5h de live avec plein de personnes. Et ça va être une super ambiance. Ça va être une super ambiance. Et dans quelques secondes, il va être... Une heure, je crois. Une heure. Sixième heure de direct. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Il est 1h du matin, 6ème heure de direct. Bonne nuit à l'écoute de Fadjet. C'est quoi ton souvenir le plus marquant ? Le souvenir le plus marquant, c'est, j'allais dire, c'est avec chaque invité en fait. Je découvre voilà leur vie, leurs aventures et en fait il y a toujours un lien qui se crée même si après voilà je les revois plus, mais en fait c'est vraiment la découverte de chaque être humain dans sa spécificité, son courage, sa volonté. Enfin c'est à chaque fois. Le souvenir le plus marquant, c'était pour une émission spéciale à Fadjet avec une soirée maillot de bain. Donc tout le monde était venu en maillot de bain. C'était bien décoré, les ballons, les trucs de plage, c'était plutôt sympa. Ben, la première émission, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop qui fait quoi. Puis ben, la connaissance de l'équipe et puis s'apercevoir finalement que tout passe très bien. Quoi. Joyeux anniversaire Fadjet, tu ne fais pas tes 40 ans. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Et on a la parole, il est 1h du matin. Merci Valentin pour ton assistance, technicien, journaliste à Fadjet. Fadjet, c'est une grosse radio. Et il y a des salariés, il y a des gens avec une réelle expertise. Et c'est pour ça aussi qu'on tient 40 ans, quand il y a de l'expertise. C'est sûr. Je tiens à le dire quand même. Est-ce que tu dis une grosse radio parce que j'ai pris 3 fois du dessert ? Je l'ai vu. Il a pris 3 fois du dessert ce soir. Et il a essayé de m'enfourguer dans le fond de la gorge, mais j'en voulais pas. Pour savoir que pour nous faire tenir la nuit, on a sorti les cakes aux fruits, les marbrés, des trucs bien sucrés pour avoir de l'énergie la nuit. Et ça marche très bien sur moi. Voilà. Ça a l'air, t'as l'air plutôt en forme. Mais pour l'instant, ça pète le feu. J'ai plus peur de mon état à 5-6 heures du matin, mais pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et après, nous ça passe vite. Hein. J'ai pas vu la première heure passer, moi, déjà. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Je sais pas trop quoi réagir à ces propos-là. Alors, j'ai balancé Actéon et le titre. Très bien. Soli Maria. Il n'y a pas toujours des choses à dire. Hein. Des fois, il faut juste. Quand il y a de la bonne musique. Monter le son. Alors, suis en train de tester un truc parce que l'animateur du Biscat, il était debout. C'est exactement ce que j'allais dire. Il était debout et je me dis que ça donne une... Ça donne de la punch. Ça donne de punch. Est-ce que ça va, Fadjet? Ouais, ouais. Vous écoutez 40 nuances nocturnes. Ici Pierre au micro. Vous me connaissez depuis 7 saisons dans Couleur Locale. 8 saisons sur Fadjet dans En passant par la Lorraine. On rappelle que demain à 17h, on sera en live dans les années 85. Ah oui, bah dans l'année 85. Dans, oui, dans les années 85. T'as 85, 85, 2, 85, 3, le retour. Retour. 85, 4, la vengeance de 85. C'est ça. Exactement ça. Risbo Graouli. Alors, vous avez tout compris pourquoi il comment s'appelle. Comment tu me parles c'est le Graouli, bien c'est toi, sûr. C'est toi le Risbo Graouli. Risbo Graouli qui est un rappeur, bah, comme le nom l'indique, messin. Et oui, le titre, forcément. C'est Comme vous, parlé. En featuring avec Sharty, qu'on a reçu sur Fadjet dans Couleur Locale aussi. Spécial, mais je me sens humain. Quoi de plus génial que de se tendre une main. Nous, au fond, on est comme vous. Pour réussir, on donne tout. Les idées encore floues. On prend la vie en one, two. Je creuse mon chemin, pas besoin d'un casting. La route est longue et semée de failles. Ah, j'aime bien le flow, moi. Je trouve que le flow est cool. Ça commence le matin, bisous à ma. Je suis pas trop fan, mais après. T'es pas fan de rap de base. Non, voilà, je suis pas fan de rap, je ne suis pas une référence en la matière. Ah, ok. Alors, est-ce que tu seras peut-être plus fan de Oblique et leur titre Indigo? Alors, c'est du c'est pas du métal, c'est du rock mélodique, orchestré. Ah, il y a des chances alors. Mais on a Valentin qui était parti pour mieux revenir. Oui. Est-ce que vous passez un bon moment, mes chers amis? Un délicieux moment. Pour les 40 ans de Fadjet, 40 heures. Oh, jolie voix. Oui. Oh. Ça a été capté en vidéo, ça, Valentin. Vous n'avez rien entendu. Moi, j'aime bien les belles voix comme ça. Oui. Ouais. C'est très joli. Surtout quand il est 1h05 et vous êtes peut-être dans votre lit. C'est beau, ça montait là. En train d'essayer de vous endormir. Et je vous empêche réellement d'écouter la musique en essayant de faire quelque chose. Merci Pierre. Voilà. Et comme ça, vous êtes réveillé jusqu'à 7h du matin et vous nous accompagnez pour cette belle nuit voilà. Qui arrive. Exactement. Il se passera quoi d'ailleurs, Valentin, à 2h? Alors, à 2h, je serai rejoint par Élise et Magali, deux anciennes voix de Radio Fadjet qui continuent leur aventure radiophonique dans des radios amies, notamment RCN, RCF et Radio Déclic. Okay. Et elles viennent nous partager quelques petits jeux, quelques petits quiz, bonne ambiance garantie. À 4h du mat, on a l'équipe du Biscast qui revient nous voir avec... Ils sont dingues. Ah ben ouais, avec d'autres bénévoles comme Hakim, par exemple, et je sais déjà qu'ils sont tous très très chauds patates. Voilà. Et à 6h, on a Benoît, j'allais dire qui fait presque partie des murs de Fadjet tellement il est là depuis longtemps, il était là depuis la création, il continue encore les de faire des émissions quasiment, ah ouais. Ouais. Et il viendra nous faire la matinale académie, la pré-matinale, et moi je l'accompagne dans cette folle aventure. Une pré-matinale. Ouais. Il y a même deux pré-matinales, vu, hein. Puisqu'il y en aura une aujourd'hui et une demain. Une matinale, une pré-matinale, une post-matinale. Et la nocturnale est une post-post-post. Voilà. En fond, nocturnale des la nocturnale du matin. En fond, nous avons des Celtic Tramp. C'est ça, le j'adore. Groupe de musique celtique. Chouette. En Lorraine. Avec le titre. N'en déplaise à grand large, mais. J'allais dire, c'est pas grand large le groupe celtique de Lorraine. On va dire qu'on est deux avec eux. Ok. Et c'est le titre Une pour toutes. Écoutez-moi ça. La pique en bois sur l'épaule. Allez, Rion, restons prudents. Est-ce que c'est des chansons originales qu'ils créent eux ou c'est des reprises? Il y a un mélange de chansons originales et de reprises de traditionnelles. D'accord. Mais comme ce qu'on fait souvent dans la musique celtique, petit tour sur le live puisque nous avons Julia qui nous dit présente. Eh bien, on est content que tu sois là, Julia. Coucou, avec nous. Julia. Et on a Frédéric qu'on connaît bien à la radio. Notre animateur de multitube. Notre animateur et qui nous dit qu'il passe une bonne soirée et qui nous dit bravo. Et qui sera avec nous juste après la matinale, donc de 9h à 10h, il me semble, pour un multitube spécial 40 ans. Eh bien. Louise Ellie et le titre Inertie, pareil, c'est petite midinette. Alors, je dis ça, c'est sans. Dit comme ça, ça fait un peu. Mais ouais, c'est pas ouf. T'es pas ouf. Mais vous savez que je le pense. Oui. Autrement. C'est parce qu'il est dans l'esprit des 40 ans, il utilise des expressions. Il y a 40 ans. Voilà, c'est de ça. De l'époque. Sur mon lit d'hôpital, j'entends les mots qui se propagent. Je décline avec rage et m'incline pour un dernier âge. Bras ouverts au néant, que l'on me prenne la main. J'étais pas. C'est sympa aussi ça. Ouais. D'ailleurs, on écoutera à un moment donné Ayel qui a sorti un nouvel album et qui a un featuring avec Luizeli. Oh. Parce que la scène locale, mes chers amis, c'est une scène où tout le monde se mélange ensemble. Et c'est ça qui fait la force de la musique, mais la force aussi de la radio. On atteste, puisque je n'avais jamais partagé le micro avec Valentin. C'est la première fois qu'on fait un truc tous les deux en c'est micro. C'est la première fois qu'on fait un impossible. Truc tous les deux en micro. En micro, au micro. Au micro, oui. Oui, parce qu'hors micro, il se passe des choses que la décence nous interdit, bien sûr. Bien sûr. Se dévoiler. On ne dévoilera pas. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'encore une fois, c'est les 40 ans de Fadjet et on est cool de les passer avec vous. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous ferez dans 40 ans, tiens? Oula! Alors déjà, peut-être je serai à la retraite si ça existe encore. Oh. Tu as de l'espoir? Oui, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. C'est bien, c'est bien. Et de l'espoir. Faut y croire. Et dans 40 ans, je ne sais pas, peut-être que je serai encore à faire des émissions sur Fadjet, peut-être. Dans 40 ans, peut-être, parce que c'est l'un des fondateurs de la radio, c'est Guy, c'est ça? Oui. Qui était en interview au tout début. Tout à fait. Et on lui a posé la question. Dans 40 ans, les 80 ans de Fadjet. Ah ouais. 80 ans, bah, on s'est déjà donné le rendez-vous avec Aurélie qui a fait le lancement de l'émission. 80 ans, 80 heures de live. Et on a commencé à prendre un peu les rendez-vous. Les gens sont moyen chauds pour le moment, je ne comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Moi, c'est étonnant, je ne sais pas trop. Je vais bloquer les dates. Oui, bah, note-toi sur ton petit carnet. Mais parce qu'on sera vieux aussi dans 40 ans. Eric Z vient de réagir, il a rejoint le live et il nous dit « Luizeli ». C'est sympa, je l'ai reçu dans Parfum d'étoiles. Eric, mon cher Z, tu as raté ton passage, il fallait te connecter plus tôt. Alors là, je vais vous faire un truc, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ok, vas-y. Je vais passer un son. Ok, vas-y, on écoute. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Picardie, ils l'ont pas de collé, quoi, qu'on est pas et tout. Oh. C'est pas très local. Non, c'est pas très local. La gueule de Mr. Bean. Vous avez reconnu? Oui. Danny Boone. Camini. Camini. Et pourquoi je passe Camini à votre avis? Parce qu'il est du coin? Mais non. Non. Il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout du coin. Parce qu'il adore Nancy. Mais je l'ai interviewé dans une édition spéciale de Couleur Locale. 45 minutes, Zoom avec Camini. Ça a été diffusé durant les créneaux de Couleur Locale. Et pourquoi? Est-ce qu'il est sympa, Camini? Il est très, très sympa. Okay. Et on a beaucoup discuté, parce qu'on a fait une visio, on est resté une heure et demie ensemble, on a beaucoup discuté. Et je me suis rendu compte que ce sont des artistes comme Camini qui font vivre leur scène locale respective. Ah bah, c'est sûr. C'est un mec, il est passionné par sa Picardie, par son Nord-Pas-de-Calais. C'est des gars comme ça qui font vivre. Et c'est pour ça. Voilà, j'ai passé tout ça. D'accord. Mais bon, si t'es pas contente avec moi, Isabelle. Ah, mais si. Hein, parce que là, je t'appelle Isabelle. Ouais, j'ai remarqué. J'ai remarqué, je vais te taper, mais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh bien, on va te donner la parole quand même, ma chère Isa. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer cette fois-ci? Eh bien, je vais vous parler des différentes écoles de musique de Nancy et du coin. Oh. Alors, je vais vous parler déjà de Lehmann. Vous connaissez Lehmann? Lehmann. Non, alors, Lehmann, donc, c'est une école de musique associative créée en 95, située derrière les tours de la Porte de la Craffe en vieille ville de Nancy. Et dès sa création, elle a placé son projet au cœur d'un dispositif éducatif et culturel orienté musique actuelle, ouvert sur différentes esthétiques et défendant le droit d'accès de tous aux pratiques artistiques. Beau projet. Voilà. Donc ça, c'est Lehmann. Bon. La deuxième, vous la connaissez forcément, c'est la MAI. MAI. Oui, évidemment, la MAI. Donc l'école a été fondée en 81. Elle fait figure de pionnière, puisqu'elle est la première de France entièrement dédiée aux musiques actuelles. Okay. D'abord nommée Centre Musical Créatif de Nancy, le CMCN. Elle prend le nom de Musique Académie Internationale en 96. Et j'en profite pour signaler qu'on a reçu en live sur Fadjet 21 juin le duo dont Julien, l'artiste, est issu de Nancy, a fait ses cours à la MAI. Et vous pourrez retrouver une interview exclusive et deux morceaux joués en live mardi sur le 13 en forme sur Fadjet. Merci Valentin. C'est chouette. Alors la MAI a changé de dimension puisqu'elle a rejoint récemment le groupe School of Arts. Le groupe School of Arts, donc ça change quoi pour la MAI? Ça veut dire que maintenant la MAI fait partie du groupe School of Arts, qui est une école qui a plusieurs antennes en France. D'accord. Et donc voilà, donc la MAI est une antenne de School of Arts. Cool. Et c'est grâce à la MAI qu'on a Léa, notre service civique, puisqu'elle est venue sur Nancy exprès pour participer à la MAI. Okay. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve en service civique chez nous. Tout se boucle. Autre école, et bien sûr, le conservatoire de Nancy. Évidemment. Voilà, qui accueille les enfants à partir de la classe d'éveil pour un premier contact avec le monde artistique jusqu'au diplôme d'État. Voilà. Du plus jeune jusqu'au plus expérimenté. Exactement. Donc, il y a plein de cursus proposés comme l'instrument, la maîtrise, le chant lyrique, l'érudition, l'accompagnement au piano, l'improvisation à l'orgue, la direction d'orchestre, le jazz et les pratiques collectives. Ok. Très sympa. Oui. Alors, je vous en ai sélectionné deux autres. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai sélectionné celles que je trouvais intéressantes. Il y a l'APEM, A-P-E-M, l'AXOU, qui est une association pour la promotion et l'enseignement de la musique, donc qui existe depuis plus de 40 ans quand même, et donc elle accueille petits et grands, offre un enseignement de qualité en proposant des cycles d'apprentissage adaptés au niveau et aux pratiques de chacun, fondés sur le plaisir et la passion de la musique. Ça, ça parle. Alors, une autre qui m'a interpellée, je ne connaissais pas, c'est l'école de chant MJ qui a ouvert en septembre 2019 à Lanneuville devant Nancy. Elle est dirigée par Thomas Joly, professeur de chant et chant choral, qui a d'abord reçu une formation d'instrumentiste avant de se consacrer à l'apprentissage du chant dès ses 15 ans. Voilà. Je précise, ce n'est pas le Thomas Joly des Jeux Olympiques. Non, c'est pas le même. Ce n'est pas le même. Du sport à la musique. Voilà. Et je le sais parce que, on a eu il n'y a pas longtemps une interview justement l'école MJ qui font un spectacle, je crois, week-end prochain. Et donc, on vous invite à aller les découvrir parce qu'ils sont très sympathiques. Mais qui n'a-t-on pas interviewé sur Radio Fadjet? C'est vrai que des acteurs locaux de la culture sur Nancy, on en a eu pas mal en 40 ans. C'est sûr. Et donc, cette école, elle a l'air vraiment très sympa. Ça a l'air. Si on est passionné de chant, on peut faire du chant seul, mais on peut participer aussi au chant choral, qui a l'air très, très sympa, ça a l'air chouette. Voilà. Effectivement. Alors, et il y a plein d'autres écoles de musique dans le coin. Alors, Tempo à Tomblaine, Musique à Villers. À Villers. Jusque-là, tout va bien. On est raccord. Donc, il y a l'école de musique de Vendeuvre, des cours de Pompée, de Moselle et Madon, bref, et bien sûr, toutes les MJC. Évidemment. Qui proposent des formations musicales. Et chez Fadjet, on promeut la culture. Tout à fait. Et la musique dans Couleur Locale, là, on est avec Pulsar. Et ça pulse. T'as décidé de nous réveiller, là. Ouais. Le titre, c'est Kendo, et c'est un groupe, alors, ça m'arrive de recevoir des groupes en visio, et notamment quand on est aux alentours de 2020-2021. Étrange. Enfin, étrange pendant une période Covid. Et qu'on ne peut pas le faire en radio. Eh bien, c'était le cas avec mes amis de Pulsar. Valentin, ça lui plaît, les petits sourires. J'entends des mots de japonais, donc je suis ravi. Ah, tu es ravi. Je reconnais quelques mots en japonais, ça me fait beaucoup rire. Eh bien, tu sais quoi, je ne l'avais pas fait exprès, mais la musique que tu vas entendre là, de Domino and the Ghost, que j'ai reçue la saison dernière, s'appelle Ritsuko Love Song, et elle est en japonais aussi, merveilleux. Cette musique. Elle a été écrite en l'hommage à Ritsuko, qui était... la petite amie du chanteur et qui est malheureusement décédée. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et c'est là pour nous rappeler aussi que c'est important qu'on se réunisse et qu'on vive ensemble et qu'on partage de bons moments sur Fadjet. Profitez. Mmh. Alors j'en ai pas du tout parlé depuis qu'on a commencé ce 40 nuances nocturnes, mais vous pouvez écouter tous les podcasts de Couleurs Locales sur mon Spotify Pierre Mercieul Radio Fadjet. S'il vous plaît, écoutez et abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Kills Drama Queen, tu es la... Je saurais même pas comment on traduit Drama Queen en français, la reine des dramas. Ouais. Tu aimes faire des scandales. Oui, c'est ça. La reine des scandales. La reine des scandales, oui. Drama Scandale. Et le titre All I Know. And this is proof of my coming of age. This is truth and captivity. And this is lucid of Alors, il y a un truc que moi j'apprécie vraiment, c'est cette double voix. Il y a un double lead en fait. Alors, il y a un double lead, mais moi j'aurais aimé une. J'aurais préféré qu'ils harmonisent en fait, justement. D'accord, mais après, ok. Ça se lâche, ça dénonce. Je pense qu'il manque une troisième voix et. C'est parti. Il manque une petite tierce. Peut-être une petite tierce. Alors, Mehdi, le chanteur, il faut savoir que quand il a rejoint un groupe, il n'avait jamais chanté. Il a pris des cours de chant, il a bossé, mais tu vois, c'est un peu comme moi dans le Grand Large, on aura l'occasion d'écouter. J'apprécie cette initiative-là. Ouais, non, mais c'est très bien. Non ? Par amour de la musique, Qu'est-ce qu'on ferait pas ? Par amour de la musique, tu as raison, Valentin. Charty. Alors, on repart en rap, et je sais que c'est pas ta cam, Isa. Non, c'est sûr. Tu l'as déjà dit. Le titre s'appelle Panna Cotta. Alors, c'est rigolo. Alors, le ouf, oui, ça me fait rire que ça s'appelle Panna Cotta, par contre. Ouais, mais là, tu vois, ça passe pour moi parce que ça danse. C'est un peu reggaeton. Le rythme est très dansant. Ouais, c'est latino reggaeton. Du coup, ça passe mieux pour moi comme rap, ça. Alors, petite histoire vachement sympa. Quand j'ai enregistré cette émission, il y avait un stagiaire de 3e. Qui était avec nous, un tout petit jeune, et à la fin de l'émission, il m'a dit que j'étais son idole. Oh. Et qu'il avait fortement apprécié ma façon d'animer, la qualité et tout. Et c'est un mec qui veut bosser dans le journalisme sportif, donc rien à voir avec la musique, mais pour autant, ouais, ouais. Ça fait quand même plaisir. Quoi. C'est le débit de parole, ça, qui lui a plu, je pense, au petit jeune. Je sais même pas comment le prendre, ça. Bien. Prends-le bien. Je vais le prendre. Suis-je capable de dire 40 heures de live en quelques secondes? Tiens, on pourrait se poser la question. 40 heures de live, genre à la Eminem, tu vois. Parler très très vite. Ah. Personne, non, vous avez pas envie de le savoir. Je sais pas. Pas du tout. Si t'as une petite instru, peut-être. Mais petite, petite instru. Ah, ça, il y a quelques années, je l'aurais fait. De toute façon, c'était une transition parce que c'est. 1985. 2025, Fadjet a 40 ans. Nous avons Aurélie qui est dans le studio. Moi je dénonce les gens qui arrivent. Tu flagues, hein. Moi je dénonce les gens qui arrivent. Nous avons Aurélie qui est avec nous. Je voulais juste te dire, vas-y, lâche-toi, il est 1h20. On peut. Si tu as envie de rapper comme Eminem ou de. Si tu veux essayer de rapper comme Eminem. Micro rouge. Ah, voilà. Indique les couleurs à cette heure-là. Si je veux rapper comme Eminem, je peux me lâcher. Ah ouais, mais là, il faudrait une instru derrière et tout. Puis en plus, je suis pas très bon. 1h20, vas-y, quoi. Tu sais, 1h20, ouais. T'as rien à perdre, hein, moi, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Rien à perdre. Comment ça va, Aurélie? Ça se passe bien, les 40 ans, les 40 heures de live pour l'instant? Bah écoute, jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce que Pierre essaye de faire du Eminem. Et bon, je pense que je vais pas tarder à aller dormir un petit peu parce qu'on a une grosse journée demain. Et voilà, donc, voilà, tout s'est très bien passé ce soir. On a bien démarré à 20h. Ok. Et puis voilà, on a une belle équipe de bénévoles qui se relaient toute la nuit jusqu'à dimanche. Heureusement que vous êtes là. Hein. Qu'on est là ce soir quand même. Hein. Il faut quand même le dire. Des petits highlights pour demain, des temps forts qu'on va avoir. Tiens, on prend un peu le temps. On a le temps, on a avancé sur les musiques. Ah. Alors déjà, bon, pour tous ceux qui sont un peu peut-être qui dorment pas à cette heure-ci, demain, si vous vous levez pas trop tard, 10h-20h, c'est ouvert au public, donc vous pouvez venir nous rendre visite. Il y a plein de choses à découvrir sur l'histoire de la radio. Vous pourrez assister au live, voilà. Donc il y a plein de choses, de belles choses toute la journée. Sur les temps forts, bah il y a plein d'émissions, hein. Toutes les émissions se valent. On va avoir beaucoup de partenaires aussi qui vont venir. Donc sur le temps entre midi et 14h et puis à 18h aussi avec Valentin. Donc tout on a plein d'autres partenaires qui vont venir aussi nous rejoindre. En revanche, si on doit donner un rendez-vous, c'est peut-être dimanche. Ok. Dernière heure, 11h midi, c'est la dernière heure de live. Il y aura plein de bénévoles. Ah. Et on a préparé une petite surprise. Oh, oh. Donc il faudra être à l'écoute entre 11h et midi ce dimanche. Très bien. Pour découvrir tout ça. Merci Aurélie. Je vais aller dormir. Et tu vas aller dormir, on te souhaite une bonne nuit Aurélie, on espère te retrouver en forme demain. On va essayer. Mais de toute façon on va pas s'arrêter là puisque nous on est là jusque 2h et puis après nous aurons Valentin. Il y a Élise et Magali qui arrivent. Élise et Magali qui viennent d'arriver. Et puis nous on va continuer un peu nos découvertes musicales avec Little Nouveau. Qui fait de l'électro-rock. Ça, on aime bien. Enfin, je dis ça. Mais moi, j'aime tout, en fait. Voilà. Ouais, allez. Little Nouveau. Alors, pourquoi je l'ai passé ? Parce que j'ai pas eu l'occasion de le recevoir en studio, malheureusement. Je n'ai pas eu l'occasion de le recevoir en studio. J'ai fait au téléphone. Ah. Et je trouve ça tristounet, moi, les interviews au téléphone. Ouais, vous en pensez quoi, vous qui avez aussi de l'expérience C'est pas pareil, forcément. C'est pas le même exercice, en fait. Déjà, tu gères le timing différemment. Mm-hmm. C'est plus compliqué. T'as moins cette complicité que tu peux avoir avec un invité qui est présent physiquement toi. Déjà, le fait de pas avoir de contact visuel, c'est quand même... Mais je trouve que c'est cool d'avoir l'opportunité de pouvoir quand même faire des interviews avec des gens qui sont loin et de pouvoir quand même avoir l'opportunité de les avoir à l'antenne. Et ça permet de s'adapter, par exemple, je pense... Justement au lancement à 20h, le président qui n'a pas pu venir parce qu'il est malade, on a réussi à l'avoir quand même par téléphone avec nous. Il a donc pu participer à ce bel anniversaire en notre compagnie. Donc il y a quand même quelques petits avantages. Il y a quand même quelques avantages. Little Nouveau, My Greetings. Il est 1h24, vous écoutez 40 nuances nocturnes de émission spéciale de couleur locale qui est diffusée les samedis à 13h, les dimanches à midi au 94.2 à Nancy sur fadjet.net et en DAB+. Et justement, ce week-end, voilà, on l'a pas puisqu'il y a d'autres programmations, mais le week-end prochain, nous serons avec les Teen Spirit Experience qui joueront d'ailleurs au Black Baron le 28 février. Oh, c'est bientôt ça. C'est bientôt. À votre avis, pourquoi Teen Spirit Experience, ça vous fait penser à quoi ? Nirvana ? Ouais. Ouais. Donc, groupe sur du grunge ? Grunge, fusion, vibe des années 80, du rock des années 80, l'expérience Teen Spirit, quoi. Tout simplement. Ça. Ah, mais c'est en français. Et en plus, c'est en français. Et on a Eric qui nous dit c'est beau une radio la nuit. Moi je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, mais c'était mon rêve d'être dans une nocturne. Ah. Et Fadjet vient de réaliser mon rêve parce que c'est trop cool d'être avec vous à 1h25 du matin. Alors, c'est vrai que c'est sympa, c'est différent. Si ça te manque, il y a une autre nocturne demain, tu peux venir nous rejoindre de 3h à 6h. Mais tu sais que j'ai hésité vraiment à demander plus de créneaux, mais je voulais pas être partout et embêter le monde, tu vois. Mais après, s'il y a vraiment besoin... Écoute, on a déjà une belle équipe demain, mais la porte est ouverte à tous les bénévoles. Le mec, il me dit ça, puis après, il me dit, bah, écoute, de toute façon... Écoute, bon, voilà, non, mais je disais ça pour être poli, mais bon... En vrai, on n'a pas besoin de toi. Mais non, bien sûr. Allez, on va couper le micro de Valentin et passer à... Non, je plaisante. Isa, oui. As-tu encore des contenus pour nous ? Bien sûr, j'en ai encore deux. Ah bah oui, c'est vrai. Merveilleux. Puisque tu m'as demandé de faire 5 chroniques. Mardi, 4 jours avant. Ah, mais tu sais compter... Mardi soir, je précise. Compter jusqu'à 5 quand il est 1h26 du matin, c'est pas un toujours... Un peu compliqué, quoi. Alors, ok. Alors, je vous ai fait un petit coup de cœur local avec un groupe qui s'appelle Piccolo. Piccolo. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Pas du tout. Eh bien, c'est un groupe vocal qui est installé quand même à Nancy depuis un bout de temps. Attends, il est local ou il est vocal ? Les deux. Ok. Local et vocal. Donc c'est un quintet qui est né en 1991. Ok. Quand même. Donc il développe depuis toujours, tant sur scène que sur disque, un répertoire de création de chansons polyphonique a cappella. Le site resmusica.com a ainsi pu écrire à propos du groupe: ils sont 5, une femme et 4 hommes, et ne font que dans la chanson française polyphonique a cappella. Un nouvel ensemble digne d'Ai Se Voci. Point du tout le genre célébré par Piccolo et la chanson de variété. La virtuosité vocale de ces 5-là est époustouflante. Les créations sont originales, toujours harmoniquement recherchées avec de très subtils arrangements. Très grand moment de musique et travail artistique exceptionnel. Quand même, hein. C'est beau ce qu'on dit. C'est une belle description, voilà. Effectivement. Alors, donc, Piccolo totalise des centaines de concerts sur tout le territoire français, aussi bien qu'à l'étranger, notamment au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Croatie, en Russie, en Algérie, rien que ça. Et donc, c'est avec fantaisie que les chansons de Piccolo posent un regard sur le monde, sur l'actualité, sur le quotidien. Hormis quelques reprises tirées des classiques de la chanson française, de Brassens au Rita Mitsouko, le groupe propose ses propres créations, inspirées tant par la chanson que le théâtre musical et certains styles instrumentaux actuels. Donc, auteurs, compositeurs, interprètes, les 5 chanteurs de Piccolo sont entourés par une belle équipe artistique et administrative, président, trésorière, auteur, metteur en scène, costume, lumière, créateur, lumière et son, vidéaste, danseur, graphiste, éditeur et photographe. Oui. Les créations de Piccolo mettent d'abord et surtout les harmonies vocales et l'art polyphonique à l'honneur. Ainsi, les voix, ne tentent pas tant d'imiter des instruments ou des rythmiques que de porter le texte. L'utilisation du beatboxing, par exemple, est par le fait très parcimonieux dans les chansons de Piccolo. Ah, voilà. Parce que j'allais faire, tu vois, un comparatif avec Pentatonix, qui est un groupe que moi j'aime beaucoup, qui fait un peu ce genre de principe, mais qui eux misent beaucoup sur le beatbox et réimiter certains instruments, certains sons. Là, c'est vraiment un genre différent, du coup. C'est un autre genre. Mais je vous invite à découvrir Piccolo. Est-ce qu'ils ont des concerts de prévu? Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais par contre, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il y a pas mal de contenu diffusé. Il y a pas mal de quoi? De quoi? De contenu qui sont diffusés. Merci. Voilà. Vous écoutez 40 nuances nocturnes, une spéciale couleur locale, et on arrive déjà à la dernière demi-heure de l'émission avec les derniers groupes. Ça passe super vite avec les derniers groupes à présenter. L'occasion pour moi de vous rappeler d'aimer la page Facebook Fadjet-6 couleur locale et de m'écouter tous les samedis à 13h et les dimanches à midi. Et peut-être que Isa viendra un jour. M'aider, ce serait sympa. Ouais, avec interviewer plaisir. Des petits groupes locaux. Il est 1h30 sur Fadjet. Ah, le truc qui se coupe. Il est 1h30 sur Fadjet. Même l'ordi, il a fait. D'habitude, je ne travaille pas à cette heure-là. Qu'est-ce que vous faites? Il ne comprend pas l'ordi. Même l'ordi, il ne veut pas. Jimmy Babalu. Il est enchanté. Il y a un changement d'ambiance là d'un coup. Oh la vache. Tu m'as donné ton cœur. Ah oui, c'est un autre style. Tu m'as donné ta vie. On est sur du Carlos là, un peu dans l'esprit. Ah, hein, oui, hein. C'est ça. Un peu du Pierre Perret à moitié aussi. Ouais. Alors je lui avais promis que je lui passerais un morceau parce qu'il a été malade au moment où on devait enregistrer l'émission. Et donc du coup, c'est encore still to come. Si on peut parler un peu English à cette heure-ci, à 1h31 sur Fadjet. Je te cache pas, déjà que le français t'as du mal, je sais pas s'il se lance en anglais là. Ouh lololo, ça clash. Attention, ça clash. Valentin, radio va perdre un bénévole. Je ne dirai que du bien de Grand Large, c'est promis. Eh bien, Grand Large, ça va. En plus, c'est sympa. Déjà demain, c'est sympa. Et en plus, ça va bientôt arriver. Mais là, on est avec Ayel. Et le titre est pourtant. Quand jaune et vermeil repeignent le sol, que le vent s'en mêle et en mêle les aiguilles des boussoles. Ah, sa voix me fait penser. Est-ce que vous vous souvenez du groupe Native? Ça me dit rien. Non, c'était deux sœurs. Alors, c'était dans les années 90, hein, je crois. Vous étiez pas née? Non, moi, probablement pas. Je suis né en 91, du coup, j'étais peut-être un peu jeune. Ouais, 95 de mon côté, je pense. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson de Pocahontas, L'air du vent? Oui, bien sûr. Bah, c'était les natifs qui chantaient Incroyable. Voilà. Ouais. Et je trouve que la voix de cette jeune femme ressemble à la voix des natives. Bah, pour essayer de me rappeler de L'air du vent, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois. Effectivement. C'est un peu la pause douceur. Ouais, on aime bien. C'est joli, c'est joli. Et on le rappelle, si vous êtes au volant, n'essayez pas de dormir. Ne fermez pas les yeux. On le rappelle. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Et il a raison, notre ami Eric, c'est beau. Hein. C'est beau, une radio la nuit. Pour fêter les 40 ans de Fadjet, 40 heures de live, on a eu Aurélie tout à l'heure qui nous a un peu teasé une surprise. Mais même moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis sûr que toi, tu sais, c'est Valentin, mais tu ne le diras pas. Alors. Oui, mais nous, on est un peu dans l'orga, quand je même. Je suis vite fait. Pas sûr exactement de savoir ce que c'est. Tu n'es pas sûr. Mais j'ai une idée de ce que ça pourrait être. Et soyez là. Et c'est ouf. Soyez là, parce que ouais, si, ça va être drôle en tout cas. La plus belle des surprises, je pense, qu'on pourrait faire à tous les musiciens qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, c'est de passer ce message. Si vous avez envie d'une vitrine sur Fadjet, contactez Couleur Locale. Ou envoyez un... Alors, sur Facebook, hein, vous me contactez, moi je suis sympa. Fadjet Couleur Locale, vous m'envoyez un message. Et également à programmation@fadjet.net, je crois. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on oublie un peu de le répéter, mais sur Fadjet, il y a au moins une fois par heure, toujours un artiste local. C'est vrai, toujours un artiste local. Et parfois, c'est même deux à trois fois par heure, et dans des émissions spéciales comme Couleur Locale. Mais là, c'est très très bien de faire la promotion... des artistes de la région. Je ne sais pas s'ils seront nombreux à nous écouter à cette heure-ci, mais si vous êtes patron d'un bar, d'une salle de concert, d'un SMAC, une association, un comité des fêtes, vous organisez un festival pareil, n'hésitez pas à booker les groupes locaux. Je sais qu'on aime bien avoir des têtes d'affiches pour faire vendre, et je ne suis pas le dernier à aller voir des têtes d'affiches, mais ce serait sympa quand même de faire jouer un peu plus les petits groupes. On a pas de festivals pour être partenaire, par exemple avec le Jardin du Michel ou le Nancy Jazz Pulsation. Ils essayent quand même souvent, en tout cas, d'avoir des artistes assez locaux, de les mettre en avant. Mm-hmm. Je pense par exemple cette année à Allium, qui sera au Jardin Allium, du Michel, ouais, qu'on a écouté tout à l'heure. Et qu'on adore tout particulièrement sur Fadjet, et qui l'année dernière devait déjà participer au Jardin du Michel, malheureusement édition annulée, mais qui était quand même venu participer à l'émission qu'on avait fait sur place malgré l'annulation, et qui nous avait fait deux morceaux en live et qui nous avait fait vivre un moment assez exceptionnel. Donc certains festivals locaux essayent quand même de mettre les artistes justement locaux en avant, et ça fait plaisir. Allium, qu'on a écouté tout à l'heure, Annabelle de son prénom, que j'embrasse et que j'ai reçu également dans Couleur Locale à deux reprises. En fait, à chaque fois qu'elle sort un projet, elle vient dans Couleur Locale, ce qui me permet d'embrayer. Alors, Rodolphe avait tort, je n'ai pas rien préparé. Ah. J'ai préparé un contenu, mais c'est un contenu qui est dans ma tête. Donc techniquement, je ne l'ai pas préparé, il est dans ma tête parce que je viens d'y penser. Donc Rodolphe, si tu nous écoutes, excuse-moi, tu avais raison. J'aurais trop pédale, c'est très rigolo. Je voudrais vous parler du dispositif Boussole de l'autre canal, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est un dispositif qui est une vitrine pour les groupes de la région. Vous pouvez avoir sur votre sur les sites de l'autre canal une page qui vous est dédiée. L'avantage de cette page-là, c'est qu'elle permet aux organisateurs de vous contacter directement. Ah. Ça se passe sur le site de l'autre canal, il y a un formulaire à remplir. Nous, on y est avec Grand Large, je connais plein, pas mal de groupes que j'ai mis ce soir, et pas mal de copains y sont. Donc t'as ta petite page, l'autre canage, c'est quand même cool, canage/ le nom de ton projet. Mais est-ce qu'il faut des conditions pour apparaître sur groupe local. D'accord, c'est tout. Groupe local, c'est tout. Après, je peux pas dire qu'ils feront pas quand même un tri en regardant si t'as des maquettes, etc. Ouais, mais globalement, si t'as un projet à peu près sérieux, à peu près solide, t'auras ta vitrine. Okay. Et c'est un vrai catalogue, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire jouer un groupe, l'autre canal, c'est à Pignon sur rue, tu vas sur le site, tac, le catalogue, et tu peux trouver Mounier, Antoine HLT, y est. Donc allez-y. Et moi, je rajouterais je ne savais pas que ça existait. Pour ceux qui n'ont pas encore de groupe ou qui sont en train de se constituer, n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre canal. Ils aident énormément ceux qui débutent. Ils les forment, ils les aident, ils les enregistrent, parce que l'autre canal, c'est pas qu'une salle de concert, c'est aussi des studios. C'est aussi des professionnels qui sont là pour vous. Et il y a des groupes qui sont arrivés à l'autre canal pour enregistrer un morceau sans être sûr, et qui aujourd'hui font des scènes à Nancy grâce à l'autre canal, qui sont mis en avant et qui, pour certains, ont réussi à transformer la passion en métier, j'ai envie de dire, et en faire quelque chose de quotidien. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les musiciens, bien sûr. Donc l'autre canal est une super plateforme. On a vraiment cette chance à Nancy d'avoir une salle comme ça qui met autant en avant les artistes, les jeunes artistes et les artistes locaux. Une super une super plateforme, et aussi un partenaire tout à fait de Radio Fadjet. Et d'ailleurs, il y a en ce moment des places à gagner pour des concerts. On y va, on aime la page. Est-ce que nous, on peut en gagner? Tu peux jouer sur la page Facebook de Radio Fadjet qui fête, on le rappelle, ses 40 ans. 1985, 2025, Fadjet a 40 ans. Est-ce que ça serait pas du grand large, ça? je reconnais des airs de flûte. Je crois reconnaître le flûtiste. Alors, c'est Croix de Bière, on l'a clippé, c'est sur YouTube. Voilà, je vais pas la mettre en entier parce que c'est pas le but, mais c'est voilà, un petit fond. Ça montre aussi que de la radio à la musique, parfois il n'y a qu'un pas. Et puis, c'est très perturbant parce que je parle au-dessus de ma propre voix. C'est vraiment très très chaud. Croix de Bière, Grand Large, vous pouvez écouter sur YouTube. Nous, on a une. Je vais présenter ma prochaine date, hein, si vous le souhaitez. On sera le 15 février au Longway à Longwy. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le Longway, mais il commence à faire jouer pas mal de monde. Il se passe plein de trucs. Longwy n'est pas une ville tant connue pour faire quand même beaucoup de choses. Donc on peut je vais y arriver. on peut quand même saluer ces initiatives là qui font bouger tous les coins de notre formidable région. Le Longway, bah comme Longwy, mais Longway avec. Ouais, on est d'accord. Oui, j'ai compris. Ils essayent d'expliquer, ils ont nommé ce mot, j'ai compris. J'ai compris. Et tu rajoutes un A à Longwy, quoi. Et tu rajoutes un. Ouais, voilà. C'est ça, au milieu, ouais, entre le W. Non, mais voilà, non, mais après, vous pouvez passer et prendre l'animation aussi pour les 20 minutes. Non, je te la récupère déjà dans 20 minutes, je vais te laisser les 20 qui restent. Rodolphe, qui a d'ailleurs réagi sur le live en disant j'avais raison par rapport au fait que finalement je n'ai rien préparé. Donc, il doit s'amuser. Il avait dit qu'il serait en train de dormir. Mais tu retombes quand même sur tes pattes, et ça, c'est fort. J'arrive toujours à retomber sur mes pattes. Vous écoutez 40 nuances nocturnes, émission spéciale de couleur locale. On est sur Fadjet à Nancy au 94.2, sur Fadjet.net et en DAB+. Vous pouvez aimer la page Facebook Fadjet-6 couleur locale, aimer la page Facebook Radio Fadjet officielle. On est en live de toute façon. Et les deux caméras qui nous filment, c'est terrible. Ouais, en plus, j'ai mis les deux caméras. Le double DAB. Qui s'est vu, c'est terrible. Demain à 17h, ce sera En passant par la Lorraine spécial avec Kiza qui est ici, Rodolphe, que vous avez vu tout à l'heure. Si vous connaissez En passant par la Lorraine, les premiers jeudis du mois sur Fadjet, vous savez qu'on fait un quiz en fin d'émission et vous savez à quel point, malgré le fait que j'ai créé une émission sur la Lorraine, je suis particulièrement mauvais. Je n'y connais absolument rien. C'est là que le bât blesse. On va pouvoir faire un autre quiz là et voir si j'ai écouté tout ce que t'as dit. Exactement, ça s'appelle Je teste ton écoute, Pierre. Oh là là. C'est vrai, ça, tu l'as vraiment appelé comme ça? Je l'ai appelé comme ça. Quiz, je teste ton écoute, Pierre. Du coup, j'ai presque envie de le laisser jouer tout seul, quoi. Ah non, aide-moi, aide-moi. Je serai son joker si je vois qu'il galère. Okay. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Toujours. On est prêts. Allez, à qui attribue-t-on la mise en musique de la comptine En passant par la Lorraine? Roland de Lasso, Roland de Lassus, Roger de Lassus. Roland de Lassus. Ah, c'est bien, écouté. Bon, c'était il y a moins d'une heure. Désolé, du coup, je t'ai pas laissé vraiment. Bah, j'étais pas là, moi, à ce moment-là, ça me va très bien. Moi, je suis arrivé qu'à partir du deuxième ou troisième chronique, je crois. Donc, c'est vrai. J'ai quelques lacunes. Quel rappeur déclame son amour pour l'ASNL? Bloom, Blur, Blam. Oh là, j'ai écouté, mais attends, Bloom, Blur, Blam. Ouais. C'est chaud. C'était Blam. Oui, t'étais pas là encore. Moi, j'étais pas encore là. Blam. Tu m'as pas écouté, c'était Bloom. Ah non, mais alors, Blam, Bloom, Blam, Bing, Bloom, quoi. Ouais, t'as pas écouté. En quelle année a été créé Lehman? 1994, 1995 ou 1996? C'est quoi cette question? J'ai écouté ce que t'as dit, mais c'est quoi Lehman déjà? 95, 94. Et en plus, tu fais même pas dans un sens chronologique, c'est juste pour me perdre. Non, j'ai dit 94, 95, 96. Ah, il ne t'écoute pas, même bien. C'est terrible. J'attends les réactions de Rodolphe. Oui, bien sûr. Moi, j'ai la réponse. Hein. 95. Ouais, mais je dirais pareil. Ouais. Ah, bah oui, maintenant. J'ai retenu que c'était 10 ans après Fadjet. Exactement. Du coup, facile à retenir. Mais moi, je peux pas tout gérer, écouter en même temps. Voyons. Quel était le nom de la MAI avant de s'appeler ainsi? CMNA, CMCM, CMCN. Voilà. Et tu l'as dit ça? Non, oui, tu l'as je pas l'ai dit. Dit. Si, je l'ai dit. MNA. Ah, je ne l'ai plus, j'avoue, je ne l'ai plus. Mais j'écoute vraiment. Hein. C'était le CMCN. Oui, donc pour collectif des musiciens nancéiens de. Non, c'était pas ça. Nancéiens, oui, à la fin, le N. Perdu. J'ai de la honte. De combien de chanteurs est composé le groupe Piccolo? Ah, tu viens mon de le coup dire. De cœur. 5. C'est bien. Donc une chanteuse. Donc une chanteuse. 4 hommes et une femme, ça je m'en rappelle. Mais tu l'as dit il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Ça va encore. La mémoire tampon est encore, encore présente. Où se trouve l'école de chant MJ? Laneuville, Jarville ou Blainville? Tu l'as dit ça? Oui, je l'ai dit. Avec Thomas Joly qui n'est pas celui de Paris. Voilà, exactement. Tu vois qu'il écoute pas. Mais ouais, si j'écoute, mais je gère les caméras. Attends, Laneuville, Jarville ou Blainville? Blainville. Jarville? Raté, c'était Laneuville. Ah, oh, c'est pas possible. T'en le mec n'écoute rien. Mais si j'écoute, mais bien sûr que si, je vous écoute. Et allez, une dernière. À quelle émission a participé Oussine? Mais c'est une, oui, non mais bah attends, Oussine. Nouvelle Star, Star Academy, The Voice, laquelle? Alors, t'as dit, donc lui, il a fini, il a perdu contre... Je l'ai dit. Oui, tu l'as dit. Non mais ça, je sais que tu l'as dit, mais Oussine, je peux regarder sur mon téléphone. Non. Martolo. Star Academy. Oui, Star Academy. Il a perdu contre Nolwenn Leroy. Je n'ai pas du tout donné d'indice. Hein. Il n'est pas du tout donné. Quelle saison du coup? La 2. Oui. Mais ça, c'est parce que je sais que Nolwenn Leroy a gagné la deuxième. Et pourquoi sais-je ça? Parce que la première, c'était Jennifer. Voilà. Peut-être. Voilà. Qui n'est pas plus local. Qui n'est pas plus local. Eh bien, merci Isabelle pour ce quiz. Je t'en prie. Tu auras finalement réussi, avec tout le temps qui t'a été accordé, à nous préparer 5 chroniques. Oui, comme tu dis, avec tout le temps qui m'a été accordé. Ouais, je suis pas 3 jours, non, à peu près. Je suis un enfoiré. 2? Ah, pas mal, pas mal. Ah, oh, ça va. Fadjet, on l'a dit, Fadjet a fait jouer des groupes régulièrement. Oui. Nous, j'ai pu y jouer avec, quasiment toutes les formations possibles imaginables que j'ai. Tu as même fait des formations spéciales pour Fadjet. J'ai même fait des formations spéciales pour Fadjet et on est venu avec mon ami David JPM. Je ne sais pas si vous vous rappelez de David. Incroyable. Incroyable chanteur, une voix qui porte. Il y a 2 ans, hein, il me semble. C'était pas si, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ou 3 ans, je crois. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, qu'on est venu. Donc, pour une fête de la musique, je crois. On est venu une année pour la fête de la musique avec David. Il y avait Robin qui jouait. Aussi, Robin Verduzen à la fin. Mais alors, du coup, je pense que c'était il y a plus que ça. Peut-être. Ça, pour le coup, on est, 2000, on est pré-Covid, ça c'est sûr. Donc, on est 2018-19. Ah, c'est pas impossible. Un truc du genre. Donc, je vais. Bah, du coup, ma transition, c'était de vous proposer d'écouter David JPM. David JPM. Ah, j'ai écouté, j'ai suivi. Écoutez, il a suivi, tu vois. Bah, tu vois, au moins un qui écoute. Hein. Il est plus attentif que toi. Mais non. Je crée des discours. Je suis pris en caméra. C'est terrible. Il est une heure. Il est. Attention, quelques secondes, parce que je regarde. Moi, je fais les choses bien. Attention. Je fais les choses 3, bien. 2, 1. Il est 1h45 et vous c'est écoutez beau. Toujours 40 nuances nocturnes sur Fadjet au 94.2 à Nancy, sur Fadjet.net et en DAB+. Avant d'écouter Si l'amour est fort de David JPM, on rappelle que nous fêtons les 40 ans de Fadjet. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. C'est la voix de qui là? C'est Aurélie? Non, c'est la voix de Carole qui est un peu la... La voix principale des jingles Fadjet, au fur et à mesure des années, elle nous a accompagnés. Voilà, et il y a maintenant Stéphane qui l'a rejoint aussi, qui fait de nombreuses voix pour les jingles Fadjet. Notamment celle de la matinale. Exactement, ouais. Et Stéphane, il sera avec nous pour la nocturne de demain. Ok. Voilà. Et oui, il pourra nous proposer plein de choses. La prochaine chanson est pour toutes les amoureuses et les amoureux, c'est « Si l'amour est fort » de David JPM. Sans arrêt à toi, j'ai envie d'entendre ta voix, sentir ta présence à côté de moi. Tu ne me regardes pas, pourtant je ferai tout pour toi. Si l'amour est fin, les rivières, je braverai la mort, je sauterai les enfers. Un sourire de ta part, je donnerai ma vie pour la beauté de ton regard. Je veillerai sur tes nuits. visage obsède ma pensée. Quand tu me demandes de t'oublier, chaque moment avec toi est un vrai bonheur. J'aimerais que cela puisse durer des heures. Si l'amour est fort, David JPM, qui, comme je l'avais dit, a fait un... maintenant il est en duo avec Rick Z. Et ils ont des concerts un peu partout, des concerts en acoustique. Alors c'est de la reprise de chansons françaises, c'est des titres de David et des titres de Rick. Et je trouve que c'est un exercice vachement sympa de reprendre. Alors je sais pas ce que t'en penses, Isa, toi qui es musicienne, mais de reprendre tes morceaux à toi en duo avec quelqu'un d'autre qui apporte son univers et tout, c'est vachement cool ça. Alors, je n'ai pas de morceau à moi, donc c'est compliqué de te dire ça. Ah bien, pourquoi merci je te pose la question. Mais merci j'imagine beaucoup. Que oui, ça doit être chouette. Bah après, de partager avec d'autres musiciens, c'est toujours très sympa. Ouais, c'est vrai. Partager avec d'autres musiciens. Beaucoup de choses. Tu répètes ce que je dis, quoi. Ouais, j'adore répéter. En fait, tu sais, répéter ce que les gens disent, ça me permet en même temps de réfléchir à ce que j'ai envie de raconter. Il lui reste 12 minutes. Il reste 12 minutes, il est en train de péter un plomb. Il n'en peut plus, le pauvre. T'inquiète, dans 12 minutes, je prends la relève. Okay. Allez, non, tiens, mais ça va, encore. J'ai déjà fait 2 heures du direct. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses, mon cher ami. Tu t'adresses à, puisqu'il nous reste 12 minutes, on récapipète un petit peu les choses. Couleur locale est diffusée les samedis à 13h et les dimanches à midi. Le week-end prochain, on sera avec Teen Spirit Experience. Je suis aussi dans En passant par la Lorraine, les premiers jeudis de chaque mois. Quand on les fait? Les premiers jeudis de chaque mois, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Manger. Bon, là, ça va. Toi, Isa, tu es donc dans En passant par la Lorraine et dans la matinale du vendredi. Tout à fait. Tous les vendredis. Il y a qui? C'est Françou le vendredi aussi? Non, c'est Davy. Davy. Qui est l'animateur. Et je partage les chroniques avec Jérôme, qui fait l'actu écho et la bande ABO. Okay. Et Swan. Voilà. Swan, c'est un beau prénom. Swan, d'une collègue qui s'appelle Swan, vous en faites. Alors, c'est pas son vrai prénom, mais tout le monde l'appelle Swan ici. Effectivement, ouais, c'est son pseudo. Et pareil, Swan et Davy qui sont des membres bénévoles de Radio Fadjet depuis longtemps, pas mal d'années, ouais. Effectivement. Ouais. Et Swan qui faisait Bienvenue chez Swan. Tout à fait, qui faisait c'est Bienvenue ça. Chez Swan. Grosse émission qui passait juste avant l'épopée musicale. La première émission que j'avais fait sur Fadjet, cela ne nous rajeunit pas. Et toi, Valentin pas. Plein de trucs. Moi, très en forme, menu étudiant, et je m'incruste quand on veut bien de moi dans les émissions. Et tu t'es incrusté avec nous, il nous reste 10 minutes, puisque dans quelques secondes, il sera 1h50 sur Fadjet. Tu veux que je te refasse le décompte comme tout à l'heure? Alors attends, 3, 2, 1... Il est 1h50, vous écoutez 40 nuances nocturnes sur Fadjet en DAB+, ou 94.2 FM, bon, alors aussi, que deux, après. Sur Fadjet.net. Merci de ne pas parler pendant que je parle, vous êtes mes amis. Fin de la phrase. Fin de la phrase. Vous êtes mes amis. Il y a un groupe que je n'ai pas reçu dans Couleur Locale pour des raisons évidentes et qui sont les amis de ta femme. Ah. Oh, le bug. Mais à 1h50, tu nous en demandes trop. Mais c'est un groupe lorrain. Oui, bah oui, c'est vrai. Bien sûr. Et tout le monde connaît la musique qui est en fond là. C'est très très connu. Bah, c'est même, je pense, le morceau le plus connu qu'ils ont fait. Je me souviens encore de ma première femme. Elle s'appelait Nina. Pour la petite anecdote, oui. Moi j'ai connu David Vincent avant ses mutants. Les amis, non, avant les amis de sa femme, et je l'ai vu créer. Enfin, je l'ai connu à des fêtes où il créait ses chansons, et notamment Mais elle est morte. C'était la petite chanson qu'on chantait souvent en soirée. Mais en fait, toi, t'as connu plein de gens comme ça, de ouf. De ouf. Genre, il y a son voisin qui est de Ladislava. Ladislava. Ouais. Ah, tiens, mais j'écoute quand même ce que tu dis. Mais ça, tu l'as déjà dit deux fois, donc du coup. Ça fait deux fois que tu l'as dit. En fait, il faut que tu fasses tes chroniques deux fois c'est et ça. Après, ça pose la question. Ouais. Bon, on arrête de se moquer de moi. Jamais. Alors, Roussine a gagné la Star Academy. Il y a un groupe qui sera diffusé en fin février qui s'appelle les Mysterious Chewing Gum Electronique. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop fort comme nom. J'adore. C'est génial, hein. Et alors, c'est de la chanson un peu humoristique, théâtralisée. Et si je les passe, c'est parce qu'ils ont joué pour les 25 ans de Fadjet. Ah. Me dit qu'il y y a comme un problème. Les mystérieux chewing-gum quoi ? Électronique. Électronique. Le morceau là s'appelle Orthophoniste. Écoutez bien. N'y crois pas, n'importe quoi, trop peu pour moi. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Orthophoniste. On a déjà quelques indices. Hein. J'irai pas chez l'orthophoniste. Moi je trouve qu'il n'y a aucun problème dans cette chanson. Vraiment pas de problème. Elle est très bien cette chanson. Alors ce que je trouve quand même assez admirable avec ce qu'ils font, c'est que ça doit être super dur. Mais c'est dur, ouais. Genre de chanter juste, mais en mimant ce problème là. C'est pas facile, hein. C'est ouf, hein. C'est chaud. On sent la fatigue qui s'installe à 1h53. On a Élise et Magali. Magali, merci beaucoup. Tu m'as évité un grand moment de solitude. On a toujours là, Valentin. On a Élise et Magali qui prendront place à 2h du matin, qui vont nous faire, je crois, des quiz. Elle est en train de me regarder pour, si je dis pas une bêtise, plus ou moins, elle m'a dit plus ou moins, qui vont nous faire de bras. Elles vont faire des trucs. Je serai là pour les surveiller, rassure-toi. Elles seront là pour les surveiller. Elles vont faire des trucs. Vous écoutez Fadjet 40 Nuances Nocturnes. C'était Pierre au micro pendant 2h. C'est pas encore fini. On a encore deux groupes à vous présenter. Le prochain artiste que je vais vous présenter, pareil, on fera un couleur locale avec lui. Il s'appelle Albatros. Ah. Oh. Et lui, il a la particularité, alors c'est de la musique, mais ça a une visée thérapeutique. Il fait des chants un peu binauraux, ce D'accord. qu'on appelle voilà, des trucs pour l'âme, pour, je sais pas comment expliquer ça. Ils font du bien. Pour purifier ton âme, ouais. Il m'avait envoyé, alors normalement, il fait des trucs de 50 minutes avec plusieurs voix, avec des flûtes, etc. Donc, pour le bien de l'émission qu'on va faire, je lui avais demandé de pas faire 50 minutes sur une émission de 30 minutes. Il a juste fait 49, tout va bien, le contrat est respecté. Ça fait un truc comme ça. C'est le genre de, oui, c'est le genre de musique qui va te faire partir loin. Alors, si vous êtes dans votre voiture, encore une fois, ne fermez pas les yeux. Non, surtout pas. Ou alors, vous arrêtez dans une aire d'autoroute, et puis voilà, mais... T'imagines le mec sur l'aire d'autoroute qui est en transe comme ça, genre... Ouais, mais tu vois, je préfère le savoir sur une aire d'autoroute qu'en train de rouler. Qu'en train de rouler, ouais, train de rouler, ça, c'est sûr que... C'est un peu mieux. C'est apaisant. C'est apaisant, ouais, mais... Alors moi je suis censé tenir jusqu'à 7h quand même un moment. Ah oui, là, il faut pas que t'écoutes trop. Peut-être mettre du rock bien énervé là, 2h du mat pour me réveiller. Eh bien tu n'as pas si tort puisque Tu nous finis avec un peu de rock. On va finir avec du rock et on se laissera. Ça j'adore. On se laissera d'ailleurs parce que si tu veux, moi je suis un maître du temps, un expert de la maîtrise du temps. Donc dès le moment où je vais balancer le morceau, ce sera fini au moment où il sera 2h du mat. Ça c'est beau. Vous avez écouté 40 Nuances Nocturnes, une édition spéciale de couleur locale qui est diffusée les samedis 13h, les dimanches à midi sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+, une demi-heure avec les artistes de la région, interview, diffusion de musique. Si vous voulez participer à l'émission, contactez-moi sur la page Facebook Fadjet-6 couleur locale, directement sur mon Facebook Pierre Merciol ou via programmation@fadjet.net. Pour vous dire, chers auditeurs, il y a des créneaux. À partir de mars, on peut enregistrer. On peut vous diffuser. Un grand merci à tous les artistes qui m'ont accordé leur confiance durant ces dernières. On dirait que le mec il va mourir ou se barrer. C'est ton adieu de la scène. Non. Un grand merci à tous les artistes qui m'ont confié leur confiance, accordé leur confiance. Ces dernières années, il y en avait 40 là, mais j'en ai reçu plus de 120. Ça, c'est beau. Donc, ça a été difficile de faire un choix. Merci à vous. Merci à toi, Isa, d'avoir participé à cette émission. C'était avec un grand plaisir. Merci à toi, Valentin. Voilà, j'ai adoré m'incruster dans l'émission. C'était super. Ouais, c'est sympa comme incruste. Tu as bien fait. Et on se retrouve, nous, Isa, toi et moi, tous ensemble, en fait. On se retrouve demain. On se retrouve demain à 17h, ça y est, il va falloir je vais te remplacer, c'est bon, je vais reprendre le contrôle. Valentin qui va reprendre le contrôle et on va accueillir Élise et Magali et on se laisse avec Stairpiece Angel. Et le titre Que du bonheur. On voudrait ailleurs, rempli de rêves à poursuivre. Se lever comme une fleur, et toujours du bon pied. Un bon effet, quelle que soit l'heure, que rien n'a guéri, rien n'a soigné. État permanent de bonne humeur, le moral au beau fixe, dans cette vision en couleur. Pas même une rix, mais que du bonheur. On pourrait ne pas se lasser de trop de bonheur. Sans avoir à rougir. Pourvu que partout ailleurs, on éprouve les mêmes plaisirs. Changer tout en douceur, il est permis d'en rire. Mais puisqu'on est tous frères et sœurs, se lasser.